Merci beaucoup d'être venu de si loin. Nous sommes très curieux d'entendre cette conférence sur les bases. Merci. Les bases de la santé naturelle. Merci d'être venu. L'hygiénisme et le vitalisme et finalement les bases de la santé globale. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc, j'avais envie de... Alors c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que à travers la naturopathie, c'est la capacité du corps à se régénérer qui est fondamentale. C'est pour ça enfin c'est le but de la naturopathie. Et c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, surtout aujourd'hui. On voit effectivement le corps qui se désagrège, où on est de plus en plus malade, ou moins d'énergie, beaucoup de fatigue, etc. Mais moi, j'ai envie de donner ce message aussi quand même très optimiste, que le corps, il sait, si on lui en donne les moyens, il sait se régénérer. Et il a cette capacité d'auto-guérison. Et la naturopathie, finalement, c'est utiliser des moyens naturels pour retrouver la santé ou être en meilleure santé. Et voilà un petit peu le sujet de cet après-midi. Alors, Alain Rousseau, qui est un de mes professeurs à l'école de naturopathie, une citation qui est... Très intéressante, c'est « On ne commande pas un corps, on ne peut que l'écouter et lui obéir pour le guérir. » Et effectivement, la naturopathie donc, est classée comme une médecine traditionnelle, à la fois par l'OMS et aussi d'une manière juridique, hein, comme la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda. Elle consiste à utiliser des moyens naturels pour préserver et optimiser la santé globale de l'individu et de guérir aussi dans le sens de la nature. Donc là, on voit que... alors, la naturopathie, on est beaucoup dans l'hygiénisme qui est la base de la naturopathie, qui est un des piliers. On est vraiment dans la prévention. Et c'est ce qu'on oublie aussi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a une médecine qui est géniale. La médecine classique, elle fait des... Voilà, le côté chimique, quand on ne peut plus rien faire d'autre avec des moyens naturels, c'est vrai qu'on sauve des vies, on fait plein de choses assez incroyables, donc on a cette chance-là par rapport à autrefois. Ce qui est dommage, c'est qu'avec ces outils-là, on a perdu cette prévention et cette sagesse d'écouter le corps et d'être dans la prévention. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se précipite un peu vers la chimie, alors qu'avant, il y a d'autres choses à faire. Et souvent, d'ailleurs, les naturopathes regrettent que quand on vient les voir, on vient les voir en bout de course, alors que c'est très inconfortable. Et des fois, on ne peut rien faire, alors que si on venait les voir au tout début des premiers symptômes, bien souvent, on n'écoute pas, et bien on pourrait faire plus de choses. Alors, la naturopathie, en fait, il y a cinq piliers de la naturopathie. C'est, alors, il y a le causalisme, c'est-à-dire de voir la cause au-delà des symptômes. Et effectivement, c'est quelque chose qui, quand on est dans l'urgence, avec la chimie, se perd, parce qu'évidemment, on est là pour arrêter les symptômes, parce qu'il y a une urgence vitale. Mais quand on est dans la naturopathie, donc dans la prévention, s'il y a des symptômes, c'est pas des symptômes, on va être plutôt dans le confort. Donc, par exemple, si j'ai mal au ventre, si j'ai mal de tête, eh bien, on va chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent les organes, donc le corps c'est une machine merveilleuse, enfin, machine c'est pas le bon mot, mais un organisme merveilleux. Et tous les organes, ils fonctionnent en équilibre. Et des fois, quand par exemple, on a mal de tête, enfin, voilà, on a un symptôme particulier sur un organe, c'est pas forcément cet organe-là qui va être en cause, c'est souvent un autre. Et c'est là où c'est du coup intéressant de partir dans cette exploration de prévention et de compréhension du fonctionnement du corps. D'ailleurs, la naturopathie, elle se base aussi, comme pour la médecine classique, sur l'anatomie physiologique. Mais on ne va pas en tirer les mêmes conclusions. Enfin, en tout cas, la grosse différence aussi avec la médecine classique, c'est qu'on a, en naturopathie, on estime qu'il y a cette énergie vitale, cette énergie impalpable, qui fait que le corps se met en vie. Alors que la médecine allopathique ne prend compte que le côté physique et de matière, et pas ce vitalisme-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on évalue. On est tous différents. Parmi les piliers, on a aussi l'individualisation. Donc, on ne va pas donner les mêmes conseils à chaque personne. C'est pour ça que c'est très difficile de dire « Ah, ben moi, j'ai fait ça, tu vas voir, c'est génial, moi, ça a changé ma vie. » Mais ce n'est peut-être pas le bon conseil pour la bonne personne. C'est pour ça que ça ne marche pas pareil. Et c'est des fois un petit peu plus difficile de savoir quel est le bon conseil pour soi. On n'a pas quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, un naturopathe ou un hygiéniste. Souvent, pour parler d'hygiénisme, je fais une petite parenthèse, c'est dans le titre de la conférence. Autrefois, on ne parlait pas vraiment de naturopathie, mais c'est vrai que de médecins hygiénistes, comme Carton, Paul Carton par exemple. Et l'hygiénisme, c'est effectivement être dans la prévention et dans notamment tout ce qui est détoxification, les humeurs, nettoyer les humeurs du corps pour que les cellules soient en bonne santé. C'est comme entretien, c'est ça? C'est ça. On sait que le corps a besoin de... Parce que j'imagine qu'à l'époque aussi, les gens n'avaient pas la vie forcément saine. Ouais. À 100%, donc il y avait des déséquilibres, des usures, engraissements qui se mettaient en place. Et aujourd'hui, et je profite, j'étais interrompu, les gens ont tellement confiance dans la médecine qu'ils se disent on peut se permettre à faire ça, ça et ça, et ça les met en risque de plus en plus grand. Exactement. C'est-à-dire, on se dit on peut faire n'importe quoi, de toute façon on va nous sauver. Ouais. Après, on va nous récupérer. Oui, le côté et magique de la chimie. Alors que oui, il y a des choses qui sont magiques, mais des fois, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu la roulette russe aussi. Et il vaut mieux se préserver aussi avant. Mais par rapport à ce que tu dis sur autrefois, c'est vrai que peut-être qu'on prenait moins soin de sa santé. Enfin, justement, il y avait, on imagine une vie plus dure, etc. Mais les gens étaient beaucoup moins sédentaires. Donc l'exercice physique, c'était essentiel pour éliminer toutes les toxines. Au niveau de l'alimentation, il n'y avait pas toute cette industrialisation. Donc même s'il y avait le lait de vache, du blé, etc., ça restait sain parce que c'était pas industriel. Donc j'y reviendrai après, mais ça ajoute aussi. Ouais, Oui, je parlais de l'individualisation des conseils. Parmi les autres piliers, il y a donc le holisme, donc c'est prendre l'être humain dans sa globalité, à la différence de la médecine classique qui saucissonne de plus en plus le corps. Et c'est vrai que des fois, c'est important de pouvoir faire des liens entre, je sais pas, la sphère digestive et le mental. Il y a plein de liens à faire. Et donc c'est ce qui est intéressant avec l'hygiénisme et la naturopathie. L'humorisme, c'est retrouver l'équilibre et la qualité des liquides organiques du corps, donc la lymphe, le sang. Les humeurs, on est dans l'hygiénisme pur et dur. Et c'est vraiment le but du naturopathe de traquer les toxines et d'aider à nettoyer tout ça. Parce que, un corps, c'est un peu comme une voiture d'ailleurs, en naturopathie, on prend souvent la comparaison avec la voiture. On fait la vidange de sa voiture chaque année. Par contre, ça ne nous vient pas à l'idée de faire notre vidange à nous chaque année. Ou alors, ça paraît, on se dit, oh ben non, on n'a pas forcément besoin, je mange bio, tu comprends, ça suffit. Non, en fait. Et la vidange du corps, comment on la fait? C'est des détox souvent au printemps ou à l'automne. Donc, on va nettoyer les cinq émonctoires. Les émonctoires, c'est quoi? C'est ces portes de sortie, c'est des organes qui sont des portes de sortie vers l'extérieur pour évacuer les toxines. On a les poumons, où on évacue le gaz carbonique. On a le foie et intestin. On a les reins. Et on a la peau. La peau qu'on oublie bien souvent parce que, en fait, à travers la sueur, on peut évacuer beaucoup de déchets. D'ailleurs, on a en gros deux types de déchets. On a les déchets cristalloïdaux que vont éliminer les reins et la peau. Et les déchets colloïdaux, donc tout ce qui est colle quand on a des rhumes, etc. Donc que vont évacuer les poumons, foie, intestin, mais aussi la peau. Et donc, ce qui est génial avec la peau, quand on transpire, quand on fait du sauna, et c'est pour ça que c'est quelque chose d'important, hein, le gant de crin, de nettoyer la peau et de faire que par la peau, il sorte pas mal de déchets déjà. Parce qu'en plus, on peut sortir les deux types de déchets différents. Mmh. Et la peau, c'est un émonctoire qui n'est pas fragile. C'est vrai que ça va être désagréable d'avoir des dermatoses, de l'eczéma, etc. Mais un naturopathe va dire « Oh, t'as de l'eczéma, génial !» Ça veut dire que t'as de la vitalité. Alors, c'est un peu bizarre. Et puis, effectivement, on va accompagner la personne pour qu'elle n'ait pas son eczéma tout le temps, parce que c'est pas le but non plus. Mais par rapport au foie, ou par rapport au poumon, je veux dire, si on a plein de problèmes ORL tout le temps, on peut du coup diminuer sa capacité respiratoire. Alors que la peau, elle repousse, elle se renouvelle, en fait. Donc, mmh. Donc voilà, c'est toute une vision différente. Et les poumons, on nettoie avec les crachats aussi, c'est ça? Ou alors les tellement gazeux? Ouais, ben les poumons, ça va être avec l'exercice physique aussi, où du coup, on va pouvoir évacuer beaucoup plus l'oxygénation. Les mouvements de gaz. Voilà, après, il y a des plantes comme la mauve, comme le thym, qui vont aussi aider à nettoyer. Ouais, donc l'humorisme, et puis après, sur les cinq émonctoires, les reins, on va éliminer tout ce qui est acidité. Donc on parlait tout à l'heure de digérer des protéines, et les reins vont être très sollicités quand on digère les protéines. C'est pour ça que c'est important d'en manger des protéines pour l'équilibre, pour pouvoir faire les protéines, c'est des briques, donc ça nous aide à nous à construire tout ce qui est muscles, etc. Mais si on mange beaucoup beaucoup de viande, on va fragiliser ses reins, parce que à force de la dégradation des viandes qui se transforme donc en ammoniac, c'est les purines qui se transforment en ammoniac, etc. Et finalement, c'est les reins qui éliminent tout ça, sauf que ça les fatigue si on en mange trop. Donc voilà. Souvent, on ne fait pas forcément le lien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les régimes hyperprotéinés, oui, ça fonctionne pour mincir, mais ce n'est peut-être pas forcément une bonne solution de santé, parce que les reins, ils morflent. Hein. C'est quoi ces régimes cétogènes où ils y vont, quoi? Très à la mode en ce moment. Ouais. Mmh. Le régime cétogène est intéressant parce qu'on limite beaucoup le sucre. Oui, voilà, exactement. Donc ça, c'est parfait. Quasiment pas de sucre. C'est aussi un autre problème dans notre monde. Mais trop de protéines, il faut faire attention. Et cet ammoniac dans l'urine, et les gens qui mangent cru, qui ne mangent pas la viande, ils ont aussi, ils éliminent beaucoup d'ammoniac, ou c'est seulement... Parce qu'autrefois, c'était toute une industrie, on récupérait les urines des gens pour avoir ammoniac, pour travailler la peau, par exemple. Les Marocains, ils avaient besoin d'ammoniac. Pour le cuir. Donc on invitait les passants à faire ses besoins dans un tonneau pour avoir justement l'ammoniac. Mais ça vient de la viande principalement, c'est ça? Alors, des protéines. Oui, de toute façon, des protéines, il y en a dans tout. Enfin, il y en a même un peu dans les végétaux, il y en a des traces, enfin, même si effectivement on n'a pas tous les acides aminés essentiels. Donc même si on est végétarien, on va quand même éliminer de l'ammoniac aussi. Mmh. Mais on n'a pas besoin de manger des tonnes de viande pour autant. Enfin, voilà. C'est que là, ça va solliciter les reins beaucoup plus. Mmh. C'est pas sur forcément la composition de graines, quoique si, la composition de graines va être quand même différente. Mais c'est surtout dans l'exigence que les reins vont avoir à filtrer tout ça, en fait. Après, foie, intestin, le foie, très très important, et c'est vrai que c'est un organe assez central, parce qu'il y a plus de 300 réactions chimiques qui s'y passent, stockage du glycogène, tout ce qui est gestion des hormones, enfin j'en passe, je ne les connais pas toutes par cœur du tout, puis là c'est pas du tout le propos, parce que sinon ça va durer des heures. On peut vivre sainement sans connaître toutes ces choses-là. Oui, le but, c'est les habitudes. Voilà, c'est ça. Le but, c'est de savoir concrètement quelles sont les bases pour rester en bonne santé et être dans l'hygiénisme, justement. Mais le foie, c'est vrai que ça va être un organe qu'on va... on fait surtout souvent des détox du foie. quand je parlais de détox tout à l'heure, c'est vrai que le foie, ça, on va souvent détoxifier foie et rein en général, mais foie, rein, peau, c'est pas mal, quoi. Voilà. Parce que des fois, on peut y avoir plein de soucis de santé, enfin, des petits symptômes, voilà, qui vont être gênants au quotidien, mais alors que c'est facile de faire des détox au niveau du foie. Parmi les autres piliers de la naturopathie et de l'hygiénisme, donc il y a le vitalisme aussi. Donc, et c'est ça qui est essentiel aussi en naturopathie, c'est comprendre et accompagner la vitalité qui anime une personne. Et bah, on voit bien qu'en fait, cette vitalité, elle va être très différente selon les gens. Et ce qui est intéressant dans cette prévention et dans cette vision de l'hygiéniste et du naturopathe, c'est bah, de ne pas forcément donner les mêmes conseils à tout le monde. Et de savoir quoi faire, parce que quelqu'un qui a beaucoup de vitalité, et d'ailleurs ça va faire une transition avec ce que je voulais dire, voilà, c'est que la médecine classique, la chimie, etc., c'est pour arrêter des symptômes. C'est bien, surtout quand il y a un problème vital. Mais quand on a beaucoup de vitalité, on peut avoir des réactions importantes. On appelle ça des crises curatives en naturopathie. Ça va être les maladies infantiles pour les enfants, ça va être des gastro ou des grosses grippes. Les gens qui font ce type de maladies, il faut avoir beaucoup d'énergie. D'ailleurs, Alain Rousseau disait « Ah, vous avez fait une bonne grippe, vous avez une varicelle à 30-40 ans, bravo !» Ça veut dire que vous avez une bonne vitalité. Alors que c'est vrai qu'on a plutôt cette idée de se dire « Oh là là, c'était horrible !» Et c'est vrai que souvent, c'est une de grosses épreuves. Mais ça veut dire que le corps, il a pu comme ça évacuer les toxines. Et ce qui est intéressant avec l'hygiénisme et la naturopathie, c'est voilà, d'avoir cette vision-là, de dire « Ah ouais, je suis malade, en fait, j'évacue des toxines. » Alors, est-ce que tu crois qu'avoir chopé pépère Covid, c'est bien parce que on a... Enfin, c'est bien, tu vois ce que je veux dire. Et est-ce qu'on a éliminé les toxines en chopant ce truc-là, pour ceux qui ont fait des formes plutôt importantes? Alors là, je ne me suis pas posé la question là-dessus, mais j'allais dire avant que tu me poses la question que les gens qui ont tout le temps des rhumes, des trucs comme ça, etc., qui traînent tout le temps, on a tendance à dire qu'ils ont un problème d'immunité. Ouais. Oui, parce que là, du coup, on n'est pas sur des formes assez pas violentes, mais voilà, c'est la grosse. Quand ça devient chronique. Ouais. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème, mais là, on n'est plus le corps, il évacue des déchets, mais on commence à voir qu'il ne sait plus trop s'en sortir, en fait, et qu'il n'a pas suffisamment d'énergie pour évacuer tout ça et dire, ok, maintenant, c'est bon, c'est nettoyé. Mais d'accord. Donc, parce que moi, quand j'ai chopé ce fameux virus, que je pensais que je ne choperais jamais, évidemment, j'ai chopé, il m'a foutu par terre. J'étais vraiment par terre, je rampais quasiment. Je m'en suis remise, et j'ai repris de la force. Et j'ai récupéré, en termes de respiration, puisque ça m'avait pris des poumons, j'ai récupéré plus que ce que j'avais avant. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de faire de la natation, et j'ai fait de la natation à outrance, j'ai fait beaucoup d'apnée, et j'ai récupéré. Je me suis dit, vas-y mon pote, quitte à traverser ça, ben je vais te renforcer. Alors, je sais pas, hein. En tout cas... C'est là où... Il a lutté le corps, hein. Ben c'est vrai que là, c'est une maladie assez... parce qu'il y a des gens qui l'ont eu plein de fois, d'autres quasiment pas. Il y en a, ça a été quelques petits symptômes de rien du tout. D'autres, comme tu dis, ça les a mis complètement à terre. Et j'avoue que je sais pas, enfin... Non, mais c'était juste parce que j'y pensais, évidemment que tu peux pas savoir, mais parce qu'il y a pas d'études encore. Non. Peut-être que dans 10 ans, on en reparlera, une vision complètement différente, et un peu plus honnête. Aussi. Et un peu plus objective qu'aujourd'hui. À mon avis, c'est passé quelque chose de très très très important avec ce truc-là dans nos corps, dans nos cellules, et dans nos organismes, tu vois, en termes de fonctionnalité. On en reparlera. Tu n'es pas la même. Non, je ne suis plus la même. De toute façon, on n'est plus les mêmes avec cette histoire. Non. Mais nous nous éloignons, pardon. Oui. Est-ce que je peux me permettre de garder la parole juste pour te demander ce que tu penses des crises d'acétone, si tu sais ce que c'est? Oui, les crises d'acétone, c'est, on fait ça en jeûne. En fait, les crises d'acétone, moi, on fait ça enfant en général. Tu sais, c'est la bile, en fait. C'est tout le système hépatique qui est sollicité. Tu es malade, tu vomis beaucoup, tu ne peux rien manger. Et tu vomis, mais de la bile. et t'as beaucoup de fièvre. Et moi, j'ai eu ça enfant, ouais. Mais vraiment. Et dans ma famille, on a été deux à l'avoir sur toute la okay. famille, un de mes oncles et moi. D'accord. En même temps, à la semaine tout de suite. Non, bah non, parce qu'il était, il a eu ça enfant et moi j'ai eu ça enfant, mais ouais. après. Et voilà, et ça s'est ouais, terminé ouais. Avant la puberté. Plus jamais. Alors est-ce que maintenant mes fonctions hépatiques sont fragilisées? Je sais pas, je fais attention. Mm. Mais... Bah, c'est vrai que c'est pas dans les maladies infantiles, c'est, ça reste pas... Ça c'est pas... C'est, oui, j'avais pas entendu ça pour des enfants. Après, moi, le côté acétone d'avoir quand on jeûne, effectivement, il y a ce goût dans la bouche ouais, qui ressort. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de détox du foie. Donc, comme un besoin de détoxifier son foie, mais c'est bizarre pour quand c'est à l'âge, enfin, dans l'enfance. Ouais. Ouais. Mais en même temps, là, ça peut montrer aussi pas mal de vitalité, tu vois. Bah, moi, je me pose la question. Et, En termes de vitalité, j'avais ce qu'il fallait, j'ai toujours, mais ça me foutait par terre, hein, pareil. Ah bah ouais. Et j'avais ça régulièrement. Hein. Ouais. Mais ça, en fait, ces symptômes-là, quand ça nous met par terre, ça veut dire qu'il y a de la vitalité et que le corps, il fait le gros ménage, en fait. Mmh. Et notamment sur le Covid, tu vois, toi, t'avais fait un Covid, voilà. Costaud, ouais. Voilà, quelque chose qui a sollicité beaucoup ta vitalité. Ceux qui font des petits trucs, alors ça va se demander aussi, peut-être que c'était bien de faire des gros Covid comme ça parce que ça, voilà, tu avais l'énergie pour bien évacuer les choses, alors que ceux qui ont eu des petits symptômes comme ça, finalement, ils n'ont pas bien évacué aussi. Mmh. On sait pas. Et je crois que le fait d'être tombé, comme tu dis, par terre, perd toute la force, c'est la stratégie du corps. Parce qu'autrement, et tu bougerais, tu ferais en activité, le corps, il ne pourrait pas se consacrer c'est ça. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. On sent d'ailleurs que ton corps, il se consacre qu'à ça. Ouais. D'ailleurs, quand tu as une grippe ou que tu es malade, tu as la fièvre, tu sens que tu ne peux rien faire, tu as mal partout, c'est tu ne bouges plus. C'est ça. Tu te consacres qu'à. Voilà. Tu n'as accès que sur ton. Et tu dors beaucoup, et c'est pendant le sommeil que le corps travaille le plus. Et pas envie de manger. Exactement. Et qui est super important, le sommeil qui est beaucoup délaissé aujourd'hui. Et tu sais que moi, j'ai eu un Covid de 15 jours, je n'ai pas mangé pendant 15 jours. Je n'ai pas mangé. On me donnait des petits, un peu comme quand j'avais des crises d'acétone, une cuillère de miel par-ci, une boisson chaude par-là, c'était tout. Je n'ai pas mangé. Et j'en suis sortie en pleine forme, je veux dire, j'ai récupéré complètement. Un mois. Ton corps ne pouvait pas être occupé à digérer parce qu'il était en train de combattre le virus. Donc, surtout si tu avais de la fièvre. Ouais. Tu avais de. À zéro. Ok, tu n'avais pas 37, de fièvre. 37,5. Ouais. J'ai pas eu de fièvre du tout. Ouais. C'est ça qui était extraordinaire. Ouais. J'avais mal d'une part, j'avais pas de fièvre, mais j'étais. Je rampais. Ouais. Je rampais, je prenais ma douche couchée par terre. Ouais. Après, je disais, il faut que je remonte dans mon lit. Bah, il ne fallait pas bouger du lit. Oh, ça, c'était pas possible quand même. Et mettre une moi aussi, j'ai eu le mois de décembre, c'était 10 jours, et j'étais très heureux parce que j'ai découvert un disque que j'avais depuis 20 ans, et là, je l'ai découvert, et je l'ai écouté tout le temps comme médicament, et j'ai resté allongé, et j'étais heureux. Ouais, j'étais pas heureuse, mais. En tout cas. Qui est, d'après ce que vous dites, et c'est aussi super important, c'est laisser le corps au repos. Lui laisser du repos, même respecter le cerveau, respecter ce temps. De toute façon, tu ne peux plus, moi je ne réfléchissais plus, il n'y avait plus personne. J'écoutais de la musique. Et c'est super important, c'est ce que faisaient les grand-mères autrefois, ou les médecins hygiénistes. Enfin, les grand-mères, alors, je ne parle pas des grand-mères actuelles, hein, mais quoi qu'il y en a peut-être qui font ces choses-là aussi, mais les grand-mères d'il y a 30-40 ans, un enfant qui était malade, on faisait quoi? On lui donnait une petite soupe, un bouillon, une tisane, plus de télé, plus de jeux, on le mettait dans son lit, au calme, seul. Aujourd'hui, est-ce que c'est. Enfin, est-ce qu'on. Voilà, je pense que les parents font pareil. Enfin, après, moi je l'ai fait pour mes enfants. Moi c'est ce que j'ai tendance à faire aussi, mais c'est vrai qu'avec la télé, les téléphones, les ceci, les cela, ce côté, allez, prends un doliprane et puis ça ira mieux après. Mais en fait. Ah, ça pose une question plus globale, je dirais, de vie en société, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit, entre guillemets, d'être malade et justement de se mettre un peu en retrait. Et repos. Et repos. Non, t'es malade, t'as dit, bon, allez, oui, tu prends, comme tu dis, un doliprane, et vas-y, on y va, je suis un warrior, moi, j'y retourne. Et alors que le corps, il est fatigué, là, il demande juste qu'on lui foute la paix, en fait. Ouais. Et c'est facile. Il passe au travail de nettoyage. Ouais. Et en plus, si on lui laisse ce temps-là, c'est facile parce que bon, il faut peut-être un ou deux jours pour une personne, aller peut-être une semaine pour une autre. Mais le fait de conserver sa santé, c'est super important du coup. Enfin, c'est au lieu de traîner. Après, voilà, on parle beaucoup de burn-out. Enfin, les gens sont extrêmement fatigués, beaucoup de problèmes de sommeil. Quand le corps les arrête, en fait, ils ne savent plus justement entendre des signaux, ouais. Le rhume, la grippe, le Covid, qui dit tiens, je suis à plat. Ben, Et il se sacrifie quelque part. Il se dit ça ira, je vais, mais je connais deux personnes qui ont perdu leur tête parce qu'elles allaient travailler avec la fièvre. Et il y a d'autres personnes qui ont des problèmes cardiaques, parce que justement, ils ne faisaient pas ce qui était important, c'est-à-dire les repos. Mais il y a un élément qui nous différencie de l'époque ancienne, c'est que le corps est tout le temps, et maintenant il doit gérer les ondes, c'est-à-dire les stress cellulaires qui n'étaient pas autrefois. Donc je pense que c'est important. Que ça soit isolement, mais aussi ce qui est invisible. C'est ça. Il y a les ondes, il y a tout ce qui est additif alimentaire et toute cette industrialisation de l'alimentation qu'on n'avait pas autrefois. Notre corps, il fait comment pour gérer tout ça? Et les stress. Ouais. Et en même temps, le corps, d'où l'hygiénisme et d'où la naturopathie, le corps, il sait se réparer tout seul. C'est-à-dire que voilà, il donne des signaux, j'ai besoin, alors souvent c'est effectivement besoin de repos, c'est une grippe, c'est quelque chose comme ça. Mais il sait se réparer, c'est comme le. Voilà. La blessure. Dans la capacité de réparation du corps, la blessure, c'est tellement évident pour nous qu'on l'oublie. Une blessure, et puis voilà, en fait, il y a une croûte, c'est magique en fait, et ça se fait tout seul. En fait, oui, on s'amuse à désinfecter, mais je suis sûre que dans 95% des cas, voilà, le corps se répare tout seul. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est pareil, il sait se réparer tout seul. Alors, par contre, le corps, après, des fois, il compense. Enfin, il y a des organes qui vont plus compenser que d'autres. C'est un peu comme le dos, hein, quand on commence la pénitence. Quand il commence à avoir un déséquilibre à un endroit, ça compense par l'autre, etc. Et c'est effectivement ce danger, entre guillemets, de chercher à compenser et de se dire ça tient, ça va aller. C'est effectivement cette sagesse, mais qui est difficile aujourd'hui, où c'est difficile de dire je m'arrête. Parce qu'il y en a qui n'écoutent pas les symptômes, les signaux, mais il y a des gens qui entendent le signal, mais qui se sentent coincés parce qu'on est dans un monde où on ne peut pas s'arrêter. Quoi. Donc c'est terrible. Sur ces cinq piliers, donc le chercher la cause de la cause, le vitalisme, les humeurs, la qualité des humeurs, considérer l'être humain dans sa globalité avec tous ses corps, et puis individualiser les conseils, c'est vraiment les piliers en fait, déjà de l'hygiénisme et de la naturopathie. Et ces humeurs, c'est considéré par la bile Alors, les humeurs, c'est le sang, le sérum, les liquides interstitiels dans les cellules, intracellulaires, extracellulaires, la lymphe, d'où l'importance des massages. Les massages lymphatiques et puis l'exercice physique aussi. L'exercice physique, le foie, il filtre 1,7 litre de sang par minute. Quand on fait un exercice un peu cardio, type de la course à pied, du tennis, ou voilà, quelque chose de voilà, un peu, faut transpirer, c'est multiplié par 5. Donc en fait, quand on fait de l'exercice physique assez intense, le corps, le foie, il peut filtrer jusqu'à quasiment 10 litres de sang par minute. C'est génial. Attends, on ne les a pas les 10 litres de sang. Non, mais ça tourne. Ah, c'est-à-dire que c'est le... Oui, d'accord, ok. Tiens. Ah oui, j'ai compris. Ouais, c'est le cycle comme ça. Donc, ouais. En fait, il file tout ton sang. Parce que nous, on a combien de litres, nous, les femmes, à peu près 3 On a 6 litres. On n'a pas 5... C'est pas 5 litres. Je crois que c'est les hommes, 5. 5, hein. Ouais. Ça, 3 et quelques, ouais. Et donc, tu dois tout Ben, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire les sportifs, ils peuvent manger n'importe quoi parce qu'ils brûlent tout. C'est aussi une explication. Par contre, quand ils arrêtent de... de faire du sport, c'est une autre histoire. Mais... Et en fait, donc l'hygiénisme et puis la naturopathie, mais la naturopathie, la vraie naturopathie, on est vraiment sur l'hygiénisme. On n'est pas que sur manger bio ou prendre des compléments alimentaires. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus... Ou juste prendre des plantes pour un symptôme. Là, on est dans la naturothérapie. C'est voilà, ça aussi à distinguer parce que ça s'est beaucoup développé ces dernières années, mais on mélange un peu des fois, où on ne voit pas tout l'intérêt que peut apporter la naturopathie, qui peut faire, enfin voilà, qui aide le corps à se régénérer. Enfin, et le but, c'est ça, en fait, c'est de se régénérer, même comme disait Alain Rousseau, de transmettre ça à ses enfants, c'est-à-dire de faire de la naturopathie pour se purifier. On fait des enfants, et nos enfants ont des gènes qui vont être encore plus... plus puissant, enfin voilà, de meilleure qualité. Donc que les gènes, ils peuvent s'améliorer entre guillemets de génération en génération? Ah ben, aujourd'hui on fait l'inverse. Non, moi, je crois pas. Hein. Non, mais aujourd'hui on fait l'inverse avec industrialisation, avec la mauvaise hygiène de vie. Dans la mauvaise dans le creux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible de faire l'inverse si on veut. C'est-à-dire que si tu prends soin de toi tôt, les enfants que tu auras, tu leur donneras la meilleure de toi-même, hein. Non seulement en termes de vitalité, mais génétiquement, vraiment, leur donnes. D'accord, ok. C'est ça. C'est un des intérêts. Bon, après, c'est très hypothétique, mais c'est juste pour comprendre que ce côté dégénérescence de la santé humaine, on peut l'inverser si on respecte son corps, etc. C'est ça qui est génial. Et c'est très souvent lié aux carences. Par exemple, tu parles des générescences physiques, et il y avait un livre qui était édité en 1939 de Weston Price, Andrew Price, qui parcourut le monde à voir qu'est-ce que les gens mangeaient dans les cultures. Il n'y avait pas encore l'influence occidentale. Et il les trouvait tout beaux. Enfin, ils sont les problèmes des formations et des mâchoires ou des formations physiques et en très bonne santé. Et il a remarqué, par exemple, dans l'île de Polynésie, je crois, il y avait les commerces de copra. Copra, c'est noix de coco. Voilà. Et c'était parce que c'était intéressant pour eux. Et ils faisaient les échanges. Ça, ils donnaient les vêtements, la nourriture européenne. Et en quelques années, la santé des gens qui habitaient là-bas s'écroulait. Par contre, après 20 ans, c'était plus rentable. Parce que les prix des copras a chuté, donc ils ont arrêté et les gens ont revenu à leur nourriture habituelle et les caries dentaires se sont repris. Les personnes même qui étaient déjà déformées parce qu'ils étaient nés justement avec cette carence qui était liée à la farine blanche, le sucre, les conserves et ils commençaient, c'est-à-dire ça revenu à la norme. Par contre, là où il n'y avait pas cette chance de retour, la deuxième génération, c'était une catastrophe totale. Il y avait jusqu'à 70% des populations qui étaient mortes de tuberculose et de déformations. En même temps, la criminalité, il y avait tout la dégénération, pas seulement physique, mais mentale. Et comme chez les Inuits, un peuplade. Ouais. Pierre Valentin Marchessault, qui est un des pères fondateurs de la naturopathie, en parle beaucoup. Enfin, il a un franc-parler. Voilà. Enfin, c'est assez intéressant d'ailleurs de lire ses ouvrages. Mais il explique effectivement l'impact quand on ne prend pas soin de son corps, que c'est, ça, c'est déséquilibré aussi au niveau psychologique, au niveau mental, etc. Moral, et qu'effectivement, morale, etc. Et que, voilà, criminalité ou autre, effectivement. Oui, parce et que qu'à ça... l'époque, il ne parlait pas de spiritualité, il parlait du moral. Oui. Et lui, il a fait les échecs dans les prisons, et carrément tous les prisonniers, ils portaient les signes, justement, de malnutrition pendant les gestations et les, la croissance. J'ai lu cette semaine un article aussi sur une étude qui a été faite avec des aborigènes en Australie qui étaient avec la nourriture occidentale, diabète, surpoids, enfin, ils les ont remis à leur régime ancestral, enfin leur régime naturel, on va dire, et remis dans leur milieu d'origine, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'aller chercher leur nourriture et etc. Et en quelques semaines, en fait, ils se sont aperçus que les gens ont perdu du poids, les symptômes, diabète et enfin, ont disparu. Mmh. Rien que le fait de reprendre une vie plus naturelle et de reconsommer des aliments enfin, qui leur correspondaient quelque part. Et puis d'être en contact avec la nature, d'être ouais. plus, ouais. de faire plus d'exercice, de plus être dans la sédentarité. Ouais. Ouais. Et là, bon, ils n'ont pas été creusés sur le côté comportement, mais c'était juste déjà sur le plan de la santé. Déjà, l'impact que ça a de revenir immédiat, carrément. Voilà. C'est rapide. Mais parce que le corps, il sait faire, en fait, donc il est tout ouais. content. Ouais, c'est, ça. C'est pour ça que c'est, enfin, ça paraît difficile. Et en même temps, quand on connaît un peu les bases, bah, il y a un côté facile et surtout réversible. C'est parce que c'est ça qui est important. Nouvelle, ouais. S'il n'y a pas des cassures, en gros, c'est un peu comme un élastique. Après, c'est vrai que tout dépend. Effectivement, il peut y avoir une dégénération entre guillemets importante. Ouais. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Ça me fait une transition avec les tempéraments, qui est aussi un des principes de la naturopathie. C'est que c'est une grille de lecture pour donner des conseils. Parce qu'effectivement, on est très différents les uns des autres. Et globalement, on voit dans les années 50, les gens étaient quand même très carrés, avaient un visage carré, assez trapu, voilà, belle musculature, etc. Et puis au fil des années, c'est vrai qu'on a soit des gens qui tirent vers l'obésité, soit au contraire des gens très nerveux, très fins, où on sent que d'ailleurs c'est des périodes, enfin, des personnes assez fragiles au niveau de leur système nerveux qui est très très parce que il y a une comment dire un ça tire de ce côté-là voilà et on voit aujourd'hui qu'on a ces deux extrêmes mais des gens un peu carrés posés on en croise moins qu'avant en fait. Ou alors c'est des anciennes générations, mais dans les nouvelles, on n'en croise pas beaucoup. Et tu me fais penser, c'est étonnant parce qu'on parle tempérament, et c'est comme les temps du saison. Avant, il y avait 4 saisons, maintenant, il y a seulement 2 saisons, extrémales. Et les tempéraments, si je comprends bien, les gens vont justement jusqu'à les deux extrêmes. Ouais, ouais. Oui, sur ces tempéraments, c'est une question de système nerveux et de système endocrinien. Donc certains vont avoir un système endocrinien un peu plus costaud. Donc ça va être les gens qui vont plutôt se dilater, être un peu en surpoids et finir aussi vers l'obésité. Et les autres qui ont ça va être plus le système nerveux ou qui va être plus important. Mais du coup qui vont être plutôt minces voire maigres et donc c'est aussi comme ça qu'on et on va pas donner les mêmes conseils. Il y a plus d'instabilité chez ces gens-là, mais c'est vrai qu'on va pas donner les mêmes conseils. Alors après il y a aussi des forces différentes le musculaire qu'on appelle en naturopathie qui est cette personne assez carrée selon le stress elle va forcément basculer d'un côté ou de l'autre, soit du côté plutôt nerveux, soit du côté plutôt dilaté. Elle ne pourra pas rester comme ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on sent aussi dans la vie de tous les jours aujourd'hui, où il y a beaucoup de stress, c'est que du coup, ça nous fait tirer, ça nous déséquilibre aussi. Donc, alors que le but, c'est de revenir au musculaire. Et c'est vrai qu'Alain Rousseau disait, en appliquant la naturopathie, on peut... Alors, il faut toute une vie, voire sur plusieurs générations, mais de revenir progressivement à ce musculaire. Voilà, c'est possible. Pour tout le monde. Alors le problème, c'est que si on s'est trop déséquilibré, à un moment donné, c'est comme quand on a eu une énorme maladie. Voilà, enfin, y a, y a, y a, Voilà, ça ne va pas être forcément le cas pour tout le monde. Quoi. Ou alors la marge de manœuvre, tout le monde peut récupérer. Ça, il n'y a pas de souci. Après, de vraiment gagner beaucoup, ben, si on a beaucoup de vitalité, oui. Si on n'en a pas beaucoup, ça va être plus compliqué. Non, on peut travailler la vitalité. Ça se travaille. Ça se travaille, ouais. Ça... Et alors pour continuer sur la présentation de la naturopathie et puis des techniques, parce qu'en fait, donc du coup, sur la base de ces 5 piliers, on a 10 techniques. Alors les premières, c'est les plus connues, c'est évidemment l'alimentation et tout ce qui est hygiène nutritionnelle, quand on va faire des monodiètes, des jeûnes, des choses comme ça. Il y a l'exercice physique. Volontairement, on ne parle pas de sport en naturopathie parce que le sport, il y a ce côté compétition. Le sport, il y a ce côté de j'ai déjà des qualités et je vais les renforcer. Alors qu'en naturopathie, on cherche à être équilibré, donc on va au contraire travailler ses faiblesses. Mmh. Ça aussi, c'est un autre concept qui est intéressant. donc l'exercice physique qui est capital hein, pour être en bonne santé. Et après, tout ce qui est hygiène comportementale, gestion du stress au sens large, avec tout ce qui est relaxation, sophrologie. On a les techniques manuelles, donc tout ce qui est massage non médicaux. On a les techniques respiratoires, avec le yoga, le qigong et autres. On a l'hydrologie, donc en interne, quand on va faire des cures d'eau distillée, par exemple, en interne pour drainer les reins. Ou en externe aussi, avec les bains. Alors, bain de mer, c'est quand même bien placé ici, mais tout ce qui est balnéothérapie, de prendre des bains chauds. Ah oui, puis comme les cures aussi, que faisaient d'ailleurs les générations d'avant, c'est les ça, cures. Moi, je sais que nos grands-mères, elles faisaient des cures. Ouais. Elles allaient à la Bourboule, elles allaient à Vichy, j'en sais rien. C'est ça. Pas toutes, puis on dit toujours nos grands-mères, mais bon, les générations... C'est quelque chose qui était un peu âgée quand moi j'étais petite, ouais. Et elle faisait des cures. C'est ça. Et on utilisait beaucoup du coup l'hydrologie dans ces cures-là. Beaucoup, énormément. Ouais. L'eau. Et puis ben. En interne et en externe. Ouais. Et sans faire de cure, il y a le bain chaud. Alors c'est vrai qu'en naturopathie, on l'utilise beaucoup pour détendre. Parce que quand on a tout le corps dans de l'eau chaude, ben, le mental, on le débranche en fait. D'ailleurs, on le sent tout de suite. Et puis en plus, tu transpires. Évidemment. Et donc, tu détoxines. Oui. Et détoxines. Sur la transpiration, parce qu'il y a des gens qui ne transpirent pas. Ah ouais. Et donc, déjà, avant de faire des saunas, voilà. Et le bain chaud aide à ouvrir les glandes sudoripares pour transpirer. Pour ouvrir les glandes sudoripares, on a aussi des enveloppements aux huiles essentielles. Qui permettent de moi je faisais ça quand j'ai fait mon stage au centre tout naturellement à Paris parce que c'était un centre où il y avait du sauna et donc avant de que les gens puissent aller dans le sauna on vérifiait s'ils transpiraient bien et s'ils transpiraient pas on leur disait bah non vous faites pas du sauna vous allez d'abord faire plusieurs alors ça dépendait des gens hein, et de la vitalité qu'ils avaient donc un ou plusieurs enveloppements et c'était incroyable parce que cet enveloppement donc on mettait les gens dans du cellophane. On mettait, donc c'était un mélange d'huile végétale avec de l'huile essentielle. Et puis, on refermait tout ça, on mettait une couverture chauffante. Et pendant 2 fois 20 minutes, je crois, il restait comme ça, comme des saucissons. Dans du plastique, bonjour. Alors, moi, je l'ai fait. Non, mais c'est super relaxant. D'ailleurs, aussi au niveau immunitaire, ça permet de bien remonter quand on est un peu enrhumé. Et c'est incroyable parce que selon les personnes, dans le cellophane, il y avait vraiment beaucoup de sueur. Enfin, et c'est là où on pouvait voir si les glandes sudoripares s'étaient ouvertes ou pas. Mmh. Mais c'est quand justement tu touches à une autre chose parce que tu parlais de la peau en tant que. Émonctoire. Voilà, un émonctoire. Mais c'est aussi une source. Oui, c'est dans le sens ça aussi. Prend, ça aspire aussi. Et très souvent, les échanges sont dans les deux je sens. Vois les gens quand ils disent on a seulement deux manières d'entrer, c'est-à-dire la respiration et la nourriture. Et c'est pas vrai parce qu'on est aussi, on aspire par la peau, les oreilles, les yeux, tout les fait. Odorats, c'est, tout ça, c'est, ouais. C'est la perception, mais c'est aussi une sorte de nutrition. Le soleil, les rayonnements. D'ailleurs, la peau, c'est aussi le système nerveux. Enfin, c'est... Donc, on a aussi la phytothérapie et l'aromathérapie. On a les techniques énergétiques. Mais si c'est thérapie, c'est-à-dire on attrape déjà les états. Alors ben, là, en fait, c'est vers des techniques. Donc, quand on est en consultation, ben, si la personne a besoin d'une cure, enfin, de drainer le foie, ben, on peut utiliser la phytothérapie pour prendre du chardon-marie, par exemple, pour aider à régénérer un foie. Et c'est en préventif, c'est pas forcément. C'est ça, on ne va pas être en ah ben j'ai mal à la tête, je prends de l'amande poivrée, ou voilà, ça va être plus. On va être plus dans la cause de la cause. Et on a la réflexologie. Donc, mains, pieds, dos, toutes les techniques, même celles que tu me disais, dont tu me parlais tout à l'heure. Les techniques énergétiques, donc comme le magnétisme, et toutes les techniques vibratoires, donc l'utilisation du rayonnement solaire, des couleurs, les élixirs floraux, donc tout ce qui est informationnel en fait, hein, vibratoire et informationnel. Ça, tout ça, ça rentre dans la naturopathie. Ben, en fait, oui, c'est la naturopathie, c'est un peu le généraliste des médecines douces, parce que c'est vrai qu'on apprend à quel moment on va utiliser telle ou telle technique. Après, on fait pas tout. En général, on se spécialise dans une ou deux. Enfin voilà, mais on fait loin de faire tout. Mais c'est vrai que la naturopathie englobe ça quelque part, hein, dans le conseil, hein, pas dans la manière de faire. Et du coup, sur cette base-là, le naturopathe, il construit des cures. Alors, les cures, il y en a quatre. Il n'y en a que deux qu'on utilise en général. C'est la détoxification, on en parlait tout à l'heure, et la revitalisation. Ah, qui sont... Souvent, on fait les deux. En général, on fait les deux. D'ailleurs, on parlait beaucoup de fatigue des gens. C'est vrai que pour faire de la détox, il faut être un minimum avoir de l'énergie, parce que sinon, ça va fatiguer le corps. Les émonctoires, ils vont pas avoir suffisamment d'énergie, même si on leur donne des plantes ou autres, pour éliminer les toxines. Donc, c'est vrai qu'un naturopathe, il va avoir ça, il va pouvoir guider la personne pour ça. Et après, les autres cures, mais qui sont beaucoup moins courantes, c'est la stabilisation. Donc, une fois qu'on a détoxifié et revitalisé, ben, on reste stable, donc c'est en général, on va avoir une alimentation quand même très saine, etc. Et puis la cure de régénération. Donc ça, après la régénération ? Stabilisation non. Et régénération. Attends, je l'écris. Mais ça, malheureusement, c'est, même moi en tant que naturo, j'en reste toujours à la détox et à la revitalisation. Hein. Même la stabilisation, en ce moment, j'arrive pas encore. Bah oui, on est trop faible, ça c'est notre problème quand on est. Face aux tentations, on est... Bah, puis les interactions avec ce monde, en fait, aussi. Enfin, c'est tout un chemin. Après, c'est tout un chemin aussi. Détox, revitalisation, stabilisation, régénération. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on propose toujours détox, revitalisation. C'est déjà pas mal. Hein. Ah bah c'est... Mais stabilisation, c'est d'une logique implacable. Et régénération, j'aurais jamais pensé. Ouais, ouais. Bah, régénération, pour le coup, on est dans des conditions de vie... où on a suffisamment de sommeil, de temps de repos, de temps de travail mais pas trop, d'exercice physique, enfin, c'est un peu l'idéal, enfin, le paradis. Le paradis sur terre. Alors c'est vrai que pendant des vacances, on peut s'organiser, voilà, mais c'est vrai que c'est ben, moi c'est ce à quoi j'aspire, hein, mais c'est compliqué de s'organiser pour arriver là. Et là, on sort à cette conclusion que dans le monde malade, c'est difficile d'être en bonne santé. Parce que la société est malade. Très malade. Je me pose pas la question. Moi. Alors, c'est vrai qu'après, moi, c'est pas. On est dans une. Je dirais que c'est plutôt un challenge. C'est vrai que ça nous déséquilibre, mais effectivement, à nous de trouver les ressources en nous pour, au contraire, tout ce qui ne tue pas renforce, quoi. Notre vrai monde, c'est milieu intérieur. Et effectivement, donc en hygiénisme et en naturopathie, on estime que la maladie, elle a pour origine l'encrassement de l'organisme. Donc c'est vrai que c'est un peu l'obsession des naturaux, hein, les toxines, mais c'est super important parce que finalement, un symptôme, c'est quoi ? C'est le message du corps pour dire qu'il y a une perturbation dans le terrain et qu'il y a un déséquilibre. Donc c'est vrai que ce symptôme, alors c'est important, on ne va pas laisser les... c'est important de le traiter quand même, que les gens soient dans le confort, mais si on ne fait que traiter le symptôme et qu'on ne va pas chercher les causes et le pourquoi du comment, finalement le symptôme il va revenir. Ça c'est l'allopathie, c'est le principe de l'allopathie. C'est ça, ouais. D'ailleurs, dans les différentes médecines, quelque part, on a la naturopathie, donc pour la prévention. Quand ça commence, quand la naturopathie ne suffit plus, on a l'homéopathie. Et puis, ben, quand vraiment, on a médecine d'urgence, qui est l'allopathie. C'est vrai que, idéalement, on devrait faire appel à ces différentes médecines dans ce sens-là. Déjà, c'est vrai qu'on a... Éviter ce qui est peut-être efficace, mais qui engendre beaucoup des effets secondaires. Ça. Il y a le prix à payer lourd. Ben, Hippocrate... Pas naturel. C'est ça. Hippocrate, qui était un naturopathe, disait avant tout ne pas nuire. Et je ne connais plus la formule. Oui, moi, je la connais. Et c'est vrai qu'à la base, on est là-dedans, sauf s'il y a urgence. S'il y a urgence, c'est génial d'avoir des moyens incroyables, même chimiques. Après, on verra plus tard. Après, on utilisera la naturopathie pour redétoxiner le corps. C'est pas, quelque part, c'est pas grave. Le truc, c'est de pas... fatiguer cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous, parce que si on l'assomme à tous les coups, bah, au bout d'un moment, c'est compliqué. D'où, si on a trop d'antibiotiques, toujours trop de ce réflexe-là, et notamment, je pense aux enfants, et bah, du coup, ça fait des adultes qui vont avoir moins d'énergie et du coup, qui vont tomber malades plus facilement. Mmh. Donc, ils perdront leur autonomie quelque part, leur corps ne va pas... Il va attendre qu'on les secoure au lieu de, d'essayer par soi-même de sortir. Oui, ben, alors, après, là, je pense à ça parce que j'ai peur que ça parte, mais dans le côté symptômes, je disais, quand on est en bonne santé, c'est vrai que quand on a beaucoup d'énergie, s'il y a un peu trop de perturbations et des toxines, le corps, il va, en général, voilà, des grippes, des choses un peu qui vont un peu nous mettre à plat. Et le problème, c'est que par contre, si on commence à perdre de l'énergie vitale, souvent on va plus être malade. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où des gens qui disent oh, mais non, mais moi je suis jamais malade, c'est vrai, ils sont jamais malades, mais c'est pas un bon signe de santé en fait. Donc, alors c'est bien, il faut pas non plus avoir toujours la goutonnée et d'être sans arrêt malade aussi, mais c'est vrai que quand on n'est jamais malade du tout, il faut aussi se poser la question, c'est est-ce que j'ai une bonne hygiène de vie et que c'est pour ça que bah, finalement je passe au travers, ou est-ce que j'ai moins de vitalité et que du coup mon corps il réagit plus, ou encore pire, on a créé un monde tellement de conformité autour de stérilité que notre corps, il n'a pas du tout l'occasion de rencontrer un problème. Mm. Et après, on s'atrophie toutes les capacités. Ah ben oui, puis même, j'ai vu un reportage, il y a eu une étude européenne, au niveau européen, qui a été faite sur les enfants et les allergies. Et ça montre les. Voilà, ça confirme ce que je raconte en fait. Ils ont fait une étude et la conclusion c'était qu'effectivement les enfants qui naissent en ville et donc dans des milieux aseptisés ou ne sont pas en contact avec la nature vont être proportionnellement beaucoup plus allergiques, développer des allergies. Que des enfants qui traînent dans les étables, à quatre pattes, qui lèchent tout, enfin bref, alors qu'il y a, il y a tous les, je sais pas quoi, je sais plus quelle bactérie, même des fois assez grave et tout, et ben eux, ils sont pas allergiques du tout. Donc comme tu dis. Mais apparemment, ça commence encore plus tôt, parce que il y a une théorie que au moment de naissance, si on est dans le milieu hospitalier qui est stérile, et on reste quelques jours. Les corps considèrent ce milieu comme un milieu naturel. Et quand ils sortent dehors, ça, ils pensent que tout se... Ils se sentent dans l'hostilité de l'environnement. Ouais, et quand on est... Et encore plus quand on est par césarienne. Voilà, c'est comme... Voilà, encore pire quand c'est en céralie. Et c'est une sorte de repérage. Donc, à ce moment-là, les corps mettent à zéro des choses pour dire ça, c'est neutre. Ouais. C'est pas l'attaque. Et après, voilà... Si c'est trop, pas assez riche, à tous les moments, on bute comme quelque chose inconnu et dangereux pour passer. Ouais, complètement. Ah, non, c'est. Et donc, je parlais du symptôme qui est un message du corps pour dire qu'il y a une perturbation. Et du coup, c'est vrai qu'on va vérifier les constantes organiques, le sang, etc., pour éliminer les déchets. Quoi. D'où la cure de détox aussi. Et d'où effectivement cette image des naturaux qui conseillent de faire des jeûnes quand on peut, des monodiètes. Alors, le but, c'est pas de faire des choses trop longues. De toute façon, dans toutes les religions, il y a des moments de restriction alimentaire. Et ça, c'est une autre chose importante aussi, c'est que si on veut vivre longtemps, nos organes, il faut les préserver. Alors que si on est tout le temps en train de manger et qu'il n'y a pas de temps de repos, ils s'usent plus vite par définition. Mmh. Et c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a toujours peur de manquer, ou même les vitamines, j'ai suffisamment, donc on va prendre plein de compléments alimentaires, puis des fois les choses les plus dosées en se disant oh, c'est génial, mais si le corps il sait pas les assimiler, ça sert à rien du tout. Ça c'est compliqué parce que on est plus conditionné aujourd'hui pour comprendre ça, et on est plus à la course à oh je vais manquer d'un truc. Et au niveau de l'alimentation c'est pareil. Et alors que de faire des petites restrictions, alors faut y aller cool au début, et toujours être accompagné, et voilà, et être en bonne santé aussi, parce que sinon, on va d'abord, il ne faut pas s'amuser non plus à faire des jeûnes, etc., si on est malade, par exemple, ça va de soi. Mais de faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent, par exemple, de ne pas manger le matin, et de pour prolonger le jeûne de la nuit. C'est déjà un jeûne la nuit en fait, parce que déjeuner, on arrête le jeûne. C'est ça. Exactement. Ça, au niveau étymologie, on retrouve c'est tout. Ça. C'est ça qui est génial. Et puis bon, dans la religion catholique, on a le carême aussi, a le ramadan, mais on a dans toutes les religions. Le voilà. Vendredi maigre, je ne sais pas comment. Normalement, oui, pas de viande, du poisson. Tous les vendredis. Et c'était pour une bonne raison, c'est que pour permettre à notre corps de faire cette petite diète pour faire un temps de repos, quoi. Mm-hmm. Donc, y a aussi un peu plus facile que les jeunes, c'est les monodiètes, c'est-à-dire de manger que des raisins, que des pommes pendant un jour, deux jours. On peut faire ce qui est facile à mettre en place, c'est de faire ça pendant un jour, 24 heures, voilà. J'ai entendu aussi que c'est bien de... Parce que les jeûnes, l'intérêt des jeûnes, c'est les changements de métabolisme du corps. Que les corps commencent à agir différemment. Il se met en autolyse. Et apparemment, c'est bien de faire 3 jours de jeûne et après continuer avec la nourriture crue. Et c'est, les corps, ils ne changent pas les métabolismes. Parce que quand on ne mange pas, le métabolisme est plus proche de cette naturelle qui est... Bon, j'ai cru parce qu'au départ, on n'a pas cuit la nourriture. Ouais. Mais j'aimerais bien parler des choses très très bizarres. Et apparemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les personnes qui étaient mises dans les camps de concentration, ils étaient naturellement soignés de leur cancer. Et c'est donc, d'un côté, cette diète forcée qui n'était pas bonne. C'est-à-dire maigre. On a d'autres choses. Bon. Oui, il perdait. Bon, j'ai plus de cancer, c'est sûr. Il perdait tout. Mais c'est aussi psychologique, quelque part, parce qu'ils étaient dans l'état où ils n'avaient plus de la culpabilité. C'est-à-dire ils étaient mis devant le. Ça venait d'extérieur. Donc, ils ne pouvaient rien faire. Donc, ils lâchaient tout. Et c'est apparemment cet état de relâchement, plus. La diète qui était très pauvre, ça faisait qu'il était guéri. C'est possible. Sans aller jusqu'à cet extrême-là, mais pendant la guerre où il y avait des restrictions alimentaires, etc., finalement, les gens étaient en bonne santé. Ma grand-mère, je me rappelle, râlait pour le pain noir qui n'était pas bon, etc., mais n'empêche que sur un plan santé... ils étaient en meilleure santé qu'aujourd'hui. Après, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une histoire de stress de survie du coup, aussi, mais évidemment, dans ces cas-là. Il va se mettre un peu en mode... Il y a un sacré stress. Il y a un stress énorme. Et d'ailleurs, avec des conséquences plus tard après. Oui, parce qu'il y a un sacré stress. Quand tu vis des choses comme ça, ton corps il est dans un état de stress ultime. C'est énorme. Alors peut-être que tu n'as plus de cancer, mais tu as d'autres choses métaboliquement. Après, les états de stress post-traumatique. Ouais, ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont survécu au camp de concentration ont un mental et un... Voilà, ils sont souvent à la d'une résilience énorme et sont des gens qui ont le plaisir de vivre énorme en fait. Donc ça c'est génial, mais c'est vrai que voilà, tout le monde n'a pas. Oui, mais il y a certaines qui se suicident. Oui, oui, il y en a qui ont dû devenir fous, qui ont dû être très. Mais pendant la guerre, il y avait quand même beaucoup de carences chez les enfants. Hein, oui, c'est vrai. Parce que enfants, on leur donnait de l'huile de foie de morue, ce qu'ils détestaient souvent, mais c'était le seul truc qu'on avait trouvé. Il y a eu des tas de scorbut, de trucs c'est comme vrai. Ça, quand même, assez grave. Ça dépendait où, hein. Mais les petits Parisiens, ils ont énormément souffert, par exemple. Ceux qui étaient à la campagne, ça allait beaucoup mieux. Mais ça dépend encore où. Oui. En zone libre, en machin, tu vois, près d'une zone libre. C'était très inégal. Mais les enfants, ils sont sacrément morflés. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes, notamment au niveau des dents. Ils perdaient leurs dents et les gens, c'était pas non plus. C'est drôle que tu parles justement de l'huile et fermenter des foies de morue. Ouais. Parce que c'est, à l'époque, c'était naturel. Tout le monde l'avait. Aujourd'hui, c'est introuvable carrément. Il faut commander en Norvège ou je ne sais pas où pour pouvoir avoir ça. J'achète le foie de morue. Ou du citron. Mais je crois qu'on en trouvait encore en pharmacie, il me semble. Pendant un temps, oui. Mais maintenant, je ne sais pas si ça existe toujours. On en trouvait, par exemple. Ça fait longtemps, je crois. C'est vrai que je consomme surtout le foie de morue en tant que tel. Est-ce qu'on en a besoin, l'huile de foie de morue, aujourd'hui? Mais l'histoire, c'est la fermentation qui fait. Et comme c'est dans la boîte, c'est pas déjà naturel. Voilà. C'est conservé et c'est pas toujours la même chose. Il faut chercher une morue. C'est séché. Tu ne poses pas de questions et puis il roule ma poule. Allez, on va faire ça maintenant. Et apparemment, le poisson séché, c'était bien. Ouais. Manger cru, mais c'est séché au fumet. En plus, la morue, c'est pas un poisson, c'est du cabillaud, la morue. Ouais. je retombe sur cette citation de Pierre-Valentin Marchesso. La vie est cette force non matérielle qui pénètre dans la matière brute et l'anime pour en faire ce que nous appelons de la matière organisée. Petite pause, mais pour montrer la puissance de l'énergie vitale en fait, qui est quand même centrale, qui fait qu'on est en vie. On va se trouver. Tu sais de quoi elle est cette citation? Parce que je te pose une colle là. Je sais pas, mais j'imagine entre les années, entre 60 et 80. Oui, mais il a commencé déjà à écrire dans les années 30, Marchesso. Et c'est probablement cette citation, c'est parce qu'il aimait bien à tous les sens mettre ses propres citations, qui d'ailleurs il a toujours signé MP, c'est lui qui est l'inventeur de ça. Non, c'est intéressant. Quand il y a beaucoup de cahiers, chaque cahier est précédé de différentes pensées comme ça. Ah oui. Je pourrais que j'essaierai de. Il faudrait que je la retrouve. Elle est vraiment parlante, cette citation. Enfin, moi, elle me parle beaucoup. C'est comment il s'appelle? Pierre-Valentin Marchesso. Et ça commence comment? La vie est cette force non matérielle qui pénètre dans la matière brute et l'anime pour en faire ce que nous appelons de la matière organisée. Organique, vivante. Ouais. Donc, parler de physique quantique hier. Il est né en 1911, ça m'étonnerait que ce soit dans les années 80. Non, pas 80. Ouais. Quand est-ce qu'il est décédé? J'ai ramené mon téléphone, c'est juste pour regarder. Je sais pas quand est-ce qu'il est mort, dans les années 70 peut-être. Le terrain, selon Marchesso, j'aime bien ça, le terrain. Le terrain. C'est l'obsession des hygiénistes, des naturopathes de détoxifier le terrain. C'est comme nous, les dans sols. Lequel baignent nos cellules. C'est comme les sols. On ne peut pas obtenir de belles choses, de sols qui n'est pas riche, qui n'est pas vivant en soi. L'énergie se transmet. C'est ça. Et alors du coup, j'ai pris quelques points qui me paraissent essentiels Ben, notamment dans l'alimentation. Si on se dit maintenant, ben, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'alimentation, ça va être évidemment de manger les aliments les plus bruts possibles. Et alors moi, je mets le seuil à 50%, mais voilà, que nos repas soient composés à au moins 50% de fruits et de légumes. Cru. Chaque repas ? Oui, globalement. Alors c'est un équilibre, quoi. Mais parce que c'est vrai que les fruits et légumes, c'est que ça reste quand même, il y a beaucoup de minéraux. On parle aussi beaucoup d'acidité, etc., d'équilibre acido-basique. C'est ça. En fait, il suffit déjà de respirer. Alain Rousseau disait, il cherchait à être un petit peu provocant, mais en disant, arrêtez avec votre équilibre acido-basique. Prenez plusieurs respirations, grandes respirations, et vous allez basculer en basique direct, puisque vous allez évacuer l'acide carbonique. Excellent. Bah oui, il suffit d'y penser, quoi. Bah oui, on n'a pas besoin d'être décédé. Karine Grosjean, c'est aussi, la respiration, pour elle, c'est un des piliers de la santé, quoi. Ouais. Et même, on devrait tous travailler notre respiration. Des exercices. Il y a une cohérence cardiaque. Ou alors des exercices. Le diaphragme, c'est... Ouais. Le mien, il ne doit pas respirer assez. Hein. Ouais. Le mien, il est bloqué. Non, mais moi, des fois, j'oublie de respirer. Des fois, ça m'arrive, je me sens en apnée. Il paraît que c'est un des mots de notre époque contemporaine. Hein. Les gens ne respirent plus assez et les gens oublient de respirer. Oui. Ça fait partie de... Mais d'où l'exercice physique ? Parce que quand on court, on est obligé de respirer. Voilà. Et on ne se rend pas compte que les cancers, ça vient probablement... Il y a une conception que ça vient justement des mauvaises oxygénations du sang. Il y a l'hémoglobine qui est tout avec carence de la première nourriture, parce que l'oxygène et le dioxyde de carbone, ce sont les premiers éléments du corps. Et si vous remarquez bien, très souvent les cancers, c'est un choc. Ça, après un choc psychologique. Et quand on a un choc psychologique, tout de suite on est serré. Et si ça se prolonge à longue période, c'est sûr que ça va. Donc ça voudrait dire que quand tu as un choc psychologique, anticiper, en se disant ok, j'ai un choc psychologique, je vais travailler ma respiration. Ça. Au maximum. La détente, la respiration, la relaxation, mais de la respiration, de l'oxygénation aussi. Détendre ton diaphragme aussi. Des massages, un bain chaud, de la fasciathérapie. Déjà, on sait que ça va nous faire du bien. Les soins. C'est ça. Et s'autoriser ça, en fait. Et déjà, on a les corps, ils donnent tout. Je ne sais pas si dans la naturopathie, on préconise des choses comme l'étirement et les relâchements, parce que c'est ça qui est très bien. On fait les fasciathérapies par soi-même et relâchement, et après la respiration par les nez. Il y a des méthodes, différentes méthodes, mais c'est incroyablement efficace contre la douleur. Il y a notamment la méthode du bonnet, il y a des exercices physiques très liés à la naturopathie, etc., pour travailler une certaine manière, travailler les muscles avec une contrainte ou pas. Enfin voilà, il y a tout un... Et selon les tempéraments aussi. Et de, notamment pour... de travailler la cage thoracique, pour les hommes aussi. Voilà, c'est important, là. Et la marche. Oui. Les gens, j'ai demandé à une personne de 96 ans, et son secret de longévité et bonne santé, il a dit tout de suite, marche. Ouais. Je marche beaucoup. Oui, parce que c'est physique. En même temps, quand on marche, moi je sais que quand je suis stressée ou j'ai besoin de réfléchir à des problèmes, mais tout de suite on retrouve des solutions quand on marche. Et il y a mieux peut-être, c'est la danse. Mais la marche, c'est un des sports les plus complets, parce que là tous les muscles travaillent. Et puis c'est doux. En plus ça oxygène, enfin c'est vrai. Puis comme tu dis, c'est un effet apaisant aussi sur le mental. Ouais. Parce que souvent quand on peut, on va marcher en pleine nature, donc on va se reconnecter aussi. C'est ça. Donc, ouais. Ouais. D'ailleurs, autrefois, il n'y avait pas autant de voitures et tout, les gens marchaient beaucoup plus. Enfin, c'était inclus dans la vie, c'était normal de marcher. Mais moi, je vois. Il y a des gens qui marchent pas. Mon corps, depuis que j'habite à Salernes, hein, par rapport à quand j'habitais en région parisienne, c'est pas pareil. Hein. Ouais. J'ai un corps qui est beaucoup plus, d'abord plus fin, j'ai perdu du poids. Ouais. Non pas que j'étais en surpoids, mais je me suis affinée, ouais. Et en même temps, je me suis vachement musclée, mais sont des muscles naturels. Évidemment, je nage beaucoup, je fais du sport, mais déjà, ma vie de tous les jours, je suis dans le jardin, je fais ci, je fais ça, je monte, je descends, enfin, vous avez vu la maison, et ben, mon corps n'a plus rien à voir. Et tu marches pieds nus aussi. Je suis beaucoup pieds nus, mais j'ai toujours été toujours. Ça, là, je suis chez moi, j'ai toujours été pieds nus, je suis ma mère, on est toujours pieds nus. Voilà, et ça c'est très important parce qu'on parle beaucoup d'antioxydants. Mais je marche dehors, il suffit de marcher pieds nus. Mais je vais marcher dans l'herbe, ça, tout ça, oui. Ah, j'adore. Mais ne serait-ce que cette activité physique qu'on a perdue, nous, citadins. C'est très compliqué. Tu vois, on s'oblige à aller marcher au parc, à aller dans ton club de sport quand tu es citadin. Mais ici, moi, je découvre une autre manière, une autre interaction avec mon corps que j'avais. Moi, j'ai été élevée à la campagne, donc je l'ai en moi. Ouais. Mais je l'avais perdu. Et là, je vois un truc dans mon corps, une espèce d'agilité. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis et je rebondis dessus parce qu'au niveau des muscles notamment, c'est super important pour les enfants et les ados de bien développer une musculature parce que une fois que c'est développé, même si on l'utilise plus, elle est là, quoi. Ah, ben ça, elle je le vois avec mes enfants. Et c'est super important. Tout à fait. Voilà, les marcheurs, ils appelaient ça carence musculaire, si on ne faisait pas suffisamment. Et ça, c'est... Ah ouais, c'est le sport enfant, ça, t'as tout à fait c'est raison. C'est hyper important. Et il parlait, le quatrième élément, c'est énervation. C'est, j'adore ce mot. Énervation. Il a des mots particuliers. Parce que ça veut dire que c'est que tu es sous le stress, c'est les mots français qui correspond au stress longue durée. Ouais, ok. Puis l'exercice physique, ça, je disais tout à l'heure, donc ça aide à filtrer beaucoup plus le sang par le foie. Le foie, il déstocke son glycogène. Donc il y a plein de. Il n'y a pas forcément besoin de pain. C'est important de faire des détox, prendre des plantes, etc. Mais le foie, rien qu'avec l'exercice physique, il va se nettoyer tout seul, en fait. Enfin, les filtres, ça va filtrer beaucoup plus. Donc c'est... Et il y a encore un organe qui est très important. Et c'est si ce n'était pas enregistré, je finis ta phrase. Mais bon. Ah, vas-y. Batterie. Bah non. Ah. Vas-y. Et les vésicules biliaires. Ouais, ouais. Parce que très souvent, et ça s'endort, on parle de paresseuses. Paresse, ouais. Paresse. Mmh. Et c'est très important, justement, avec les bile qui reste vieux et après il perd sa viscosité et ça, il fait plus son travail. Mmh. Et apparemment, il y a de temps en temps, spontanément, des mouvements où il vide. Complètement. Qui se vide et oui, d'ailleurs, c'est si ça marche pas, il faut des faire mouvements de... où on comprime. Ouais. Ah non, mais parfois, moi, je sais pas si c'est la vésicule qui fait un USB. Tu l'entends? T'entends un bruit, mais moi, je te jure, je l'entends. Ouais, tout d'un coup, j'entends. Et je vois, je sens qu'il y a un truc qui, comme si on avait pompé. C'est une chasse biliaire. Ouais, je sais pas si c'est la vésicule, mais j'ai l'impression. C'est possible, parce que c'est là. Ou alors c'est l'estomac. Ça dépend, c'est quel côté. C'est là. Alors là, c'est l'estomac. Ouais, là, c'est la vésicule, elle est où? Elle est là. Elle est à côté du foie. Ouais. Oui, c'est vrai, elle est à côté du foie. Ouais. Celle-là, souvent. Ouais. Alors, c'est plus peut-être au niveau estomac, rate estomac. Ah, ouais, la rate aussi. Ouais. Et notamment le foie, mais la rate aussi, en faisant des exercices. Voilà. On pourrait faire la vidéo. Mais on peut indiquer, d'ailleurs, Marchesso l'indique, des mouvements pour comprimer le foie. Il s'appelle ça. Massage, c'est un pompage, en fait. Massage d'organes. C'est ça, c'est ça. Massage d'organes internes. Je crois que je te non, c'est pas un truc que j'ai envoyé un truc. J'ai envoyé à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Si, je l'ai envoyé. J'ai encore pas fait d'ailleurs. Non, mais c'est là, oui. Donc, alimentation et exercice physique. Dans l'alimentation, quelque chose qui est super important et qui va un peu à l'encontre des idées reçues, par rapport au café et chocolat. Café, chocolat, thé, on est dans les alcaloïdes, donc c'est effectivement des choses qui vont encrasser le foie. Il y a des gens d'ailleurs qui ne supportent pas bien le café. Et par contre, on donne beaucoup de chocolat aux enfants. Le matin, on leur donne du chocolat et tout. Mais on ne se rend pas compte que finalement, le chocolat et le café, c'est très proche. Et voilà, c'est... Donc attention, parce que c'est vrai que le chocolat, ça agit pas comme autant que le café. Mais c'est vrai que pour se réveiller, moi, des fois, je prends un carré de chocolat et je pouf, ça me... je prends pas de café, mais je prends du chocolat. C'est excitant, en fait. Il y a un côté excitant. Ouais, voilà. Il y a un côté excitant. Et c'est vrai qu'on a tendance à séparer les deux, café d'un côté, chocolat de l'autre. Attention pour les enfants, parce que c'est vrai que le chocolat le matin, il vaut mieux éviter, en tout cas quand ils sont trop petits, parce que c'est pas forcément une bonne habitude à prendre. Bah, déjà, ça tue les chiens, par exemple, les chocolats. C'est vrai. Et puis, le problème du café et chocolat, c'est que ça arrête la digestion. D'ailleurs, ça c'est un autre chose, mais souvent on prend le café en fin de repas pour digérer justement. Et c'est pas qu'on digère bien, c'est que du coup la digestion est arrêtée. Donc forcément on sent plus rien, mais c'est pas forcément un bon signe. Mais elle reprend après, comment ça se passe? Bah oui, en fait ça la bloque pendant 2 heures. Ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu as une digestion hyper longue et tu remanges derrière. Longue, en plus. Des nutriments, des vitamines, des minéraux. Bah, une fois que ça a stagné comme ça, notre corps il fait quand même 37 degrés. Donc si ça stagne dans le bol alimentaire sans être digéré, une fois que ça arrive à l'intestin, il reste plus grand chose finalement. Et puis en plus, ça putréfie, donc ça veut dire que ça crée des gaz, des choses comme ça. L'alcool. D'ailleurs, merci de dire ça parce que du coup, chose aussi importante, parce qu'on parlait du stress, au niveau des déchets, il y a tous les déchets donc exogènes, donc les additifs, etc. Et puis trop de protéines, trop de ceci, trop de cela. Mais c'est aussi les déchets endogènes qu'on crée par des mauvaises digestions, notamment le café, etc., par le stress. C'est pareil, l'alimentation est super importante, mais si on est hyper stressé et qu'on a des conditions de vie qui sont pas, qui correspondent pas à nos besoins, ça sert à rien de bien manger parce que quelque part ça fout tout par terre en fait. C'est important d'avoir c'est très important d'avoir la bonne attitude, que les corps soient prêts à manger. Et aussi. Quand on est par exemple agité, stressé, ça marche pas. Et c'est quand tu parlais des cafés que ça bloque la digestion, aussi cortisone. Maintenant, partout on met cortisol parce que cortisol bloque les réactions du système immunitaire. Ça supprime les symptômes. Voilà, donc on pense, ah c'est génial, ça soigne tout, mais finalement non, parce que ça soigne rien justement. Ça bloque. Ça supprime le symptôme. Donc effectivement, si c'est un symptôme grave, c'est bien de le supprimer, mais il ne faut pas s'arrêter là. Alors, le petit café de 11h du matin, docteur. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Ce que j'allais dire, c'est justement au niveau du café, le prendre en dehors des repas, ou même le matin, parce que moi, j'en prends que entre 11h et 11h30. C'est là que je bois du café. C'est bien. Et je le bois, je bois un café assez long, pas très fort. Et du coup, c'est bien parce que... J'en ai vraiment envie, et depuis le Covid. Je savais de café. Tu le prends avant de manger, donc une heure et demie après. Je suis très irrégulière, mais en général, je le prends avant. C'est ça. Je mange un petit truc avec. Oui, mais. Et je remange après dans l'après-midi. C'est moi, j'ai une manière de me nourrir je suis mon rythme. C'est bien. Non, c'est justement, il faut le prendre en dehors des repas. À 11h, j'aime. Tu sais, parfois, je me dis, il est quelle heure? Peut-être qu'il va faire un stage comment boire du café. Ouais. Et j'ai rencontré un gars au festival qui m'a fait un cours sur le café. C'était très intéressant. En juin, là. Et moi, j'ai découvert une petite boutique à Toulon où ils vendent du très, très bon café. Je n'ai pas à Toulon acheter mon café, mais j'ai du très bon café. Mais c'est important, le café. Par contre, on choisit vraiment attention. Hein. Après... Le café, on ne va pas en boire des tonnes, mais c'est important aussi de se faire plaisir. Et la naturopathie, c'est ça, et c'est super d'évoquer ça maintenant, c'est que moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir, il y a cette idée d'être jugé par ce qu'on mange, ou attention, il ne faut pas faire ceci et cela. Et moi, pour moi, c'est super important de prendre plaisir à ce qu'on mange. Donc quand je dis, quand je conseille de manger plus de fruits et de légumes, faut évidemment que ce soit un plaisir, parce que si c'est une corvée, bah, vaut mieux pas le faire en fait. C'est... Parce qu'en plus, le corps il va pas réagir de la même manière. Donc, c'est super important de trouver un. Puis, l'hygiénisme, la naturopathie, pour moi, c'est un équilibre. C'est-à-dire que c'est super important de se faire plaisir. Enfin, moi, je me régale, enfin, je suis gourmande. Et en même temps, bah, voilà, bah, de savoir. De savoir compenser et de savoir gérer en fait pour rester en bonne santé finalement. Donc le mieux c'est le fruit d'amour alors. Le fruit d'amour. C'est joli. Et ça me fait penser à ce qu'on disait hier, c'est que en même temps ce serait un leurre de penser que si on mange très très sain tout le temps, que c'est bon pour la santé parce que. Alors, si Marché Saul le disait, mais Alain Rousseau le disait, il disait de temps en temps, mais faites-vous un repas, enfin un truc, ouais. Voilà, pour que genre, le corps. Genre raclette, tartiflette. Exactement, parce que pour que le corps, il réagisse, parce que sinon, le corps, en fait, quand on n'use pas quelque chose, ça s'affaiblit et ça disparaît. Le corps, il fonctionne pareil, les fonctions disparaissent si on ne les utilise pas. Donc, le fait de la fonction digestive, il faut qu'elle soit testée de temps en temps. Et même d'aller, c'est pour ça qu'un bon repas de Noël, un bon truc, voilà, c'est il ne faut pas se dire, ah ben non, moi je ne fais jamais ça. Mais à certains âges, il faut faire attention parce que l'occlusion intestinale. Justement, ce monsieur de 96 ans, il a mangé trop fort le soir et le lendemain, il était mort. Et je connais une personne qui était tuée par son anniversaire parce que tout le monde lui apportait des tartes. Et ben voilà, ça s'est terminé mal. Ouais, mais il est mort heureux. C'est ça. Ouais, c'est bien heureux. On a pas vu la grande bouffe, le film, dans les années, je pense, 70, ça c'était vraiment incroyable. Bref. Mais et par exemple, pour creuser un petit peu cette question de fonction, la vitamine D, par exemple, c'est bien d'en prendre parce que c'est important de pas être, de pas, enfin voilà, si on a un taux trop faible, c'est évidemment pas une bonne chose. Par contre, attention de pas en prendre tout le temps parce que le corps il la fabrique naturellement. Si on commence à en prendre d'une manière extérieure, le corps du coup il se dit ok, ça tombe tout seul, moi je fabrique plus. Mais si on le fait trop longtemps, du coup le corps il va perdre. Ce savoir, de savoir fabriquer la vitamine D, donc c'est tout un équilibre en fait, comme la mélatonine aussi. Voilà, c'est ça. Des gens qui travaillent la nuit, etc., et qui prennent beaucoup de mélatonine, et d'ailleurs, voilà, c'est justement quelque chose qui coûte beaucoup. Ça. Ouais. La mélatonine, on la fabrique naturellement. Si elle arrive de l'extérieur, le corps la fabrique plus, mais si ça dure trop longtemps, le corps il sait plus la fabriquer. Et on a besoin de mélatonine extérieure à vie après. Mais pour cela, il faut se coucher à 9h30 ou plus tard, hein, apparemment. Non, alors on a tous une gestion, on est tous très différents, donc c'est vrai qu'on va gérer la production de mélatonine de manière différente. Mais c'est important d'avoir conscience que c'est pas, il y a des gestes qui c'est jamais anodin ce qu'on fait en fait. Est-ce qu'on prend en croyant que on peut manquer de vitamine D, de mélatonine, des fois on peut au contraire se créer un problème parce que le corps il sait faire ça en fait à la base. Donc et vous prenez en compte les cycles. Les rythmes naturels, les cycles biologiques. Du sommeil. Non, pas sur le sommeil seulement, mais aussi. Circadien. Ouais, circadien. Il y a toutes les. Mais pour la mélatonine, c'est important, par exemple. Je sais que normalement, parce qu'elle est synthétisée à partir d'autres hormones, et c'est, alors je ne sais plus lesquelles, mais je sais que par exemple, il est conseillé de s'exposer à la lumière du soleil avant 10h le matin, pour justement préparer. La production des hormones qui vont aider à la synthétisation de la mélatonine. Donc oui, je pense que ça doit être important aussi pour le corps, pour tout le monde. Ouais, ouais. Et après, on en revient à la vie moderne et la sédentarisation et tout. Effectivement, si on ne voit pas le soleil, qu'on est dans la lumière artificielle, alors il y a des gens... parce qu'ils ont un corps, ils ont plus de vitalité, ça va passer tout seul, ça leur posera pas de problème, et puis d'autres pour qui ça va poser problème. Et ça pose pas, comme on a tous des faiblesses et des points forts différents, ce sera pas les mêmes choses. Donc il faut d'être multi, ouais, directionnel. En fait, c'est l'équilibre. Entretenir un petit peu de tout. Ouais, c'est vraiment l'équilibre qui est important. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est à contrario, tu peux bien manger, faire quelques excès, mais par contre, il faut, si tu n'as pas l'habitude de jeûner, il faut peut-être que de temps en temps, tu veux jeûner quand même, ce que je ne fais plus moi aujourd'hui. Moi, je ne le fais plus non plus en ce moment. Je jeûne plus, mais ça fait très longtemps moi que je jeûne plus. J'ai jeûné la dernière fois, il y a 6 ans au moins. Et j'ai arrêté parce que j'avais plus envie de jeûner. Et peut-être que finalement, c'est bien de jeûner tout d'un coup. Parce que ton corps, il dit, ah bon, il n'y a plus rien. Bon, d'accord, ok. Ah tiens, mode de diète. Ah bon, d'accord, c'est ça, ok. C'est ça. Parce que moi, je fais du jeûne intermittent plutôt naturellement. Je ne mange pas le matin. Oui, puis c'est d'écouter ta faim, en fait. Voilà. Et je peux très bien manger très peu dans la journée. Bah oui, je peux manger que des légumes. Moi, mon corps, ça lui va très bien. C'est ça. Ouais. Et puis après, j'ai faim. Je suis capable de bouffer une belle assiette avec plein de choses dedans, mais par contre jamais je ne me mets en jeûne. C'est fini. J'ai plus envie. Mais il faut s'écouter. En fait, c'est vrai que c'est une question d'équilibre, il faut s'écouter. Pendant des années, un jour par semaine, je faisais une monodiète où je mangeais que de la soupe. Ouais. Mais j'ai fait ça des années, j'étais hyper jeune déjà. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je ne le fais plus non plus, alors que je le faisais. Et je sais même plus pourquoi je ne le fais pas. Bah moi non plus. Peut-être qu'il y a aussi des périodes dans la vie où le corps il a moins besoin. Ouais. Ou alors tu te nourris différemment. Peut-être aussi. Qu'à l'époque, je mangeais plus les autres jours et qu'aujourd'hui, je mange beaucoup moins et que j'ai plus besoin. Mais tu as jeûné pendant 15 jours là, récemment, donc ça va. Non, je n'ai pas jeûné pendant 15 jours. Bah si, quand tu étais malade. Avec... C'était pas un jeûne. Ça va, une fois par an. Mais c'est pas le temps, c'était en 2021. Ah. Après, ce qui est intéressant avec le jeûne et la monodiète, c'est aussi pour retrouver la vraie faim. Parce que c'est aussi quelque chose de très très important au niveau de l'alimentation, c'est qu'avec cette habitude de manger à des heures fixes, puis on est quand même dans une société où aujourd'hui on peut manger à n'importe quelle heure tout le temps, on est un peu poussé à ça aussi. Et c'est important de reconnaître la vraie faim en fait, parce que si on mange alors qu'on n'a pas vraiment faim, c'est vrai que le corps il ne va pas digérer de la même manière, il ne va peut-être pas digérer du tout, et du coup l'intérêt des périodes de carême, etc., c'est de retrouver la vraie faim en fait. Donc c'est vrai que la nourriture a devenu... Et toi, finalement, ça a l'air d'assez naturel. Et les plus dangereux, c'est comme la nourriture devient les substituts d'autres choses, par exemple. Et notamment avec le sucre. La peur. Et puis, parce qu'on est dans un. Ouais. Oui, moi, je vois beaucoup le problème du sucre aujourd'hui, qui est quand même. Qui acidifie beaucoup, qui. Il y a ce côté quand même très, très addictif et au sucre. C'est besoin de. Alors, c'est logique parce que finalement, le sucre, ça adoucit. Donc, on est quand même dans un monde qui est dur. Donc, que le fait que les gens aient besoin de douceur et d'apporter de la douceur avec le sucre, ça s'explique. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus, au niveau de la gestion du sucre, du glycogène, etc., ça fait qu'on peut faire des malaises. Enfin, voilà, il y a tout un tas de problèmes qui rentre en jeu, mais c'est... D'ailleurs, la publicité, il joue là-dessus, hein, sur le côté doudou, le sucre, tu sais, il y a des pubs pour le chocolat, c'est ça. Où il joue sur le fait qu'on est dans un monde dur et que ça va apporter la douceur, c'est ça. Alors qu'une balade en nature, de faire du sport, de se baigner, ça apporte de la douceur et c'est... En fait, c'est équilibre et puis trouver les choses qui vont être vertueuses finalement. Et parce analyser ses comportements pour avoir conscience qu'il y a des habitudes qui ne sont pas naturelles et qui ne sont pas bien. C'est ça. Voilà, quand on a manque de quelque chose, on pense tout de suite que c'est la nourriture. Ouais, complètement. Et on peut jouer avec. Ouais. Et je pense au sucre et ce que on disait tout à l'heure sur le fait de retrouver des conditions plus saines de vie, ce qui fait que du coup on a moins de problèmes de santé. Et cet exemple qu'Alain Rousseau donnait toujours de quelqu'un qui, je ne sais pas si c'était un client à lui, une personne donc, qui était diabétique et qui avait décidé de faire un trek dans le Maroc et donc du coup il fallait qu'il demande la vie à son médecin. Mais donc cette personne a fait donc pendant 3 semaines où elle marchait une 30aine de kilomètres par jour en ne mangeant que des dattes. Les dattes à la base c'est quand même sucré, mais au bout des 3 semaines il n'était plus diabétique. Wow. On parle de monodiète, tout ça. Alors c'était une monodiète de dattes. Alors il y avait l'exercice physique aussi, mais ce qui était intéressant c'est que du coup même avec des dattes, la fonction endocrine du pancréas a été mise au repos, a pu se régénérer, et du coup la personne n'était plus diabétique. Donc, voilà. Et c'est bizarre parce que les sportifs marocains ou d'autres, et ils préconisent les dattes justement, ouais, ouais. Dans la période d'effort physique et de... Ouais. Parce qu'il y a quelque chose en plus, c'est pas seulement le sucre apparemment, c'est les sucres fructose, c'est pas c'est la même chose. C'est très intéressant la date nutritivement. Le corps il est. Et puis c'est sucré. C'est sucré, on a ce côté douceur et on n'a pas le sucre industriel. Mais tous les fruits séchés d'ailleurs c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Et moi c'est ce que je conseille. Avec quelques oléagineux, moi quand j'ai pas vraiment faim c'est ce que je mange. C'est ça. Je me fais un petit bol, une petite bolée là, papa, et puis j'adore ça. Parce qu'on le sent. On est content. C'est ça. Oui, parce qu'on sent, à contrario, quand on mange des choses un peu industrielles, alors, ça, sur le coup, ah bah oui, c'est bon, mais tout de suite, on sent qu'au niveau, il y a un truc énergétique, il y a le ventre, même le moral, des fois, ça redescend après. Enfin, on n'est pas bien, en fait. Ouais. Donc, on le fait un peu tous, parce que, de toute façon, voilà, on ne peut pas non plus s'extirper de ce monde-là, et on ne peut pas être dans une bulle, et je pense que ce n'est pas le but non plus, mais il faut s'adapter quelque part. Ouais, oui, parce que c'est Mais dis-moi. On développerait d'autres problèmes, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent naturopathes et qui sont tellement contradictoires. Par exemple, il y a certaines, il faut manger beaucoup d'oléagineux. Les autres disent non, il ne faut pas manger du tout. Il y a certaines, la mucosité, il faut éviter les œufs crus. Les œufs, et les autres disent oui, il faut manger les œufs crus. Comment tu vois ces choses-là? Parce qu'on est dans le chaos. C'est compliqué du coup de comprendre ce qu'est la naturopathie vraiment. Du coup, c'est pour ça que moi j'avais envie de vous expliquer un peu tout ça d'une manière un peu neutre, avec un peu de recul, etc. C'est vrai qu'après, chaque personne a ses dadas, en gros, ou parce que en général, on ne vient pas thérapeute et naturo par hasard. Il y a souvent des gens qui viennent naturo, qui en sont arrivés là parce qu'ils avaient un problème de santé qu'ils ont résolu grâce à ça et ils ont envie d'en faire bénéficier les autres autour d'eux. Mais des fois, c'est vrai que c'est assez humain. On va vouloir forcer un trait ou parce que on a eu un gros problème avec les œufs. Donc du coup, là. Et c'est ça qui n'est pas évident à faire. C'est effectivement au-delà de qui on est. De réussir à conseiller tout le monde, quoi. Et de pas prendre son cas personnel pour une généralité. Normalement, un naturopathe, il ne doit pas faire ça, puisqu'on nous a appris à individualiser, à savoir qu'en plus, moi, je suis plutôt du coup du type un peu rétracté, un peu nerveuse, quoi. Mais c'est pas pour ça que je vais... j'ai toujours quand même un filtre, ça je peux pas l'enlever, mais je pense que si j'accompagne des gens qui vont avoir des problèmes de surpoids et choses comme ça, je pense que je peux quand même les aider parce que je vais avoir cette distance là. Moi je fonctionne pas comme ça, je vais pas dire il faut absolument faire. J'essaie de rester dans une forme de neutralité par rapport à ce que tu préconises. Que tout peut être bon et tout peut être mauvais selon la... Mais le pire, c'est que c'est ça. Parce que c'est en fait, pas... une question d'individu, c'est ce que tu dis. Dans la naturopathie, c'est ça. En fait, Et puis, il y a des gens qui vont avoir besoin de voir des naturopathes comme ça, qui sont très tranchés sur telle chose ou pas. Enfin, moi, ce n'est pas les gens que je vais attirer. L'autorité est très importante. Voilà. Moi, c'est vrai que le truc super important pour moi, c'est donc... tout ce qui est gestion du stress, la gestion des émotions. D'ailleurs, voilà, avec la florithérapie, le jus de coaching, je suis beaucoup plus là-dedans maintenant. Mais parce que ça, c'est mon... Parce que moi, direct, quand j'ai quelqu'un en face de moi, ça va tout de suite là-dessus. Donc, je vais conseiller, évidemment, sur le corps, enfin, et les problèmes physiques et tout. Mais je vais avoir une lecture aussi au niveau émotionnel. Mais ça, c'est comme ça que je fonctionne avec moi. Et c'est ma manière à moi, en fait. Ça, c'est toute une question, la diagnostic. Je ne sais pas si vous avez droit de alors, on n'a pas le droit de faire de diagnostic. Non, voilà, en fait, mais il y a quand même... on fait un bilan de vitalité. Donc, sur la base de ces, des tempéraments, alors on va s'aider, on lit en fait dans les formes. On lit la morphologie. Et en fonction de la morphologie, alors on va lire aussi sur le visage. Et on va comme ça avoir plein d'indices. Et on va utiliser aussi l'iridologie qui donne aussi des informations sur la vitalité de la personne. Souvent, ça va confirmer. Moi, je m'en sers de l'iridologie, mais ça me confirme ce que j'ai déjà vu dans le corps et dans le comportement de la personne. Et du coup, ce bilan, il y a aussi toute une anamnèse sur tout le parcours santé, hein, les maladies qu'il y a eu, la manière aussi, l'hygiène de vie, le sommeil, tout ça, et sur la base de ça, on va donner des conseils en fait, des cures, mais c'est des conseils qui vont aider la personne soit à se détoxiquer si on voit qu'il y a besoin de faire de la détox, et souvent de régénérer ou de gérer le stress. Et il y a la plupart des gens qui viennent te voir, c'est pour améliorer ou pour guérir, soigner quelque chose? C'est plutôt pour un accompagnement, oui, à côté de. Enfin, c'est vraiment pour améliorer. Ouais. On ne va pas voir un naturopathe pour guérir. Enfin, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire, on ne vient pas forcément quand on est malade. On vient quand. Et même si on vient quand on est malade, des fois, un naturopathe va être obligé de dire : mais je ne peux pas vous prendre en charge. Allez voir votre médecin, parce que c'est pas mon. Allez, 12 ans. D'où l'intérêt. Après, on peut accompagner à côté des conseils que va donner le médecin. Mais d'où l'intérêt de faire appel à un naturopathe en prévention, avant, quand on voit qu'on commence à être fatigué, ou qu'on commence à être stressé, ou même si l'idéal c'est qu'on n'a rien en fait, parce que ce qu'on fait en consultation, c'est de donner le mode d'emploi du corps, de dire que quand on est finalement, on n'a pas son mode d'emploi. Et avec cette lecture de la morphologie, l'iridologie, etc., et bien, le naturopathe peut expliquer, voilà, ben, ton point fort c'est ça, ton point faible c'est ça. Dans la vie de tous les jours, ben, toi ça va être important de faire ceci ou cela. Par exemple, moi quand j'ai vu Alain Rousseau me disait, bon Céline, toi, par moment, tu peux avoir, tes émotions vont accaparer toute ton énergie. Donc surtout, quand tu as un gros stress, il vaut mieux que tu manges rien du tout parce que t'as zéro énergie pour manger en fait, enfin, pour digérer après derrière. Donc, c'est un exemple. Mais il m'a dit, voilà, au niveau du sommeil, attention, etc. Mais ça va être vraiment personnalisé. Et c'est souvent des choses où soi-même on n'en a pas conscience, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est un regard extérieur. Après, le but, c'est vraiment d'autonomiser la personne. Ça, c'est responsabiliser. Totalement. C'est pour ça qu'on guérit pas. Il n'y a pas de question à ce niveau-là. C'est je t'explique comment ton corps a l'air de fonctionner, les conseils qui peuvent être intéressants à mettre en place. Mais après, c'est aussi une négociation quelque part, parce que les conseils, il peut y avoir un conseil idéal, mais si la personne elle n'est pas prête à le suivre, ou elle n'a pas les moyens, ou ses conditions de vie ne lui permettent pas, ça ne sert à rien. On va plutôt conseiller autre chose qui va être moins. C'est pas le premier conseil qu'on aurait donné, mais si elle peut le mettre en place d'une manière très régulière, et ben ce sera beaucoup mieux qu'un conseil idéal qu'elle pourra jamais appliquer. Donc c'est du sur mesure en fait. Ben oui, parce des fois c'est long chemin avant de retrouver les vrais équilibres, parce qu'on est tellement éloigné. Oui, mais après, ce qui est intéressant, c'est que bon, en général, quand les gens viennent voir des naturopathes, ils sont quand même motivés, et mine de rien, en modifiant très peu de choses, on a souvent des résultats. Ça, déjà, on est content. Ouais. Et c'est ça la force de l'hygiénisme et de la naturopathie, c'est comme on joue sur plusieurs choses à la fois, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, un peu. Il ne faut pas des trucs énormes, hein. Enfin voilà, c'est pas le but d'ailleurs, parce que sinon la personne ne va pas continuer à le faire, donc il n'y a aucun intérêt. Pour moi, c'est vraiment un fil qu'on tire et qu'on met au fur et à mesure. Après, on peut monter un peu, mais. Voilà, ça va être vraiment tout doux au départ. Mais c'est génial parce que la plupart du temps, y a des raisons, enfin, les gens sont contents. Quoi. Enfin, c'est, ça fonctionne. Et ils viennent avec quoi, par exemple? Ils veulent maigrir ou ils veulent faire... quand ils viennent, quel est le sujet? Ben, le sujet, alors j'ai eu des personnes qui venaient parce que ils faisaient des reconversions. Alors c'est drôle parce que ça fait sortir du miroir. Et puis de prendre soin de sa santé pendant cette période un peu particulière. J'ai eu une personne qui venait qui était vraiment, ouais, c'était des constitutions de vie assez particulières quand j'étais en région parisienne, qui avait vraiment besoin d'aide pour savoir comment bien gérer sa santé alors qu'il y avait beaucoup de pression au niveau travail, familial, etc. Aussi une autre personne pour après des problèmes de santé pour mettre en place voilà des choses plus saines, etc. C'est très très variable. Vous avez réponse une à autre... tout, a priori. Alors non, enfin il y a toujours des solutions. Enfin moi c'est je suis comme ça personnellement dans la vie, mais aussi avec la naturopathie, il y a un côté que j'aime beaucoup, c'est que c'est un peu comme un pas un puzzle, mais voilà, quand on a une harpe avec plein de une cordes. Énigme à résoudre, oui, oui, une harpe avec, effectivement, faut mettre les bien réaccordés. Accorder. Ouais. Oui, là, récemment, c'est une personne qui voit un magnétiseur à Paris et qui lui a conseillé de venir me voir. Voilà. Et je continue dans mes conseils. Donc il y avait l'alimentation, la détox, l'exercice physique. Il y a le sommeil qui est capital, qu'on oublie vraiment beaucoup. Enfin moi, c'est la première chose que je dis d'ailleurs en consultation. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de thyroïde. Alain Rousseau disait, en fait, le sommeil permet de recharger totalement le système nerveux. Et finalement, dans le corps, on a deux batteries. On a le système nerveux, on a le système endocrinien, dont fait partie la thyroïde. Quand notre système nerveux, il n'y a plus de batterie, on ne tombe pas comme les piles d'Iracel, c'est comme les lapins de la pub de la Mais c'est la thyroïde qui prend le relais pour continuer à ce qu'on ait de l'énergie. D'ailleurs, on le sent. On sent qu'on a souvent un coup de barre. Et tout d'un coup, l'énergie revient, mais on a l'impression qu'on tient sur les nerfs. Mais du coup, après, on peut ne même pas se coucher de la nuit. Quoi. C'est le danger parce que c'est génial d'avoir ce système-là, parce que le corps, il est génial d'avoir ce système d'urgence. Mais le but, c'est de l'utiliser le moins possible. Or, il y a des gens qui tirent beaucoup, beaucoup sur la corde là-dessus. Et du coup, d'où des dérèglements de la thyroïde, parce que c'est pas son boulot à la thyroïde de faire ça. Sauf que si on se remet à bien dormir, il y a Alain Rousseau qui disait, voilà, quand on dort... au moins 9-10 heures par nuit pendant au moins plusieurs semaines. Donc c'est vrai que c'est des conditions. Alors, du vrai sommeil, ou si on ne dort pas, c'est des conditions de sommeil. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pensée, ou on les laisse passer, les yeux fermés, on ne bouge pas. Du coup, le système nerveux va se recharger à bloc et on n'aura plus besoin de faire appel à la thyroïde en fin de journée. Et au fur et à mesure, du coup, la thyroïde, elle va s'auto-réparer, puisque le corps, voilà, sait faire ça. Donc, c'est super intéressant de savoir ça, et de savoir jongler avec ça, du coup. Et est-ce que tu as entendu de cette idée de pencher les lits un petit peu de 5 degrés pour que la tête soit un petit peu plus haut que le corps? On parle souvent pour le système lymphatique. On dit que c'est hyper intéressant de dormir comme ça, légèrement incliné. Tu mets des pieds à la tête de 10 cm à peu près, hein, 10-15 cm, ce qui est beaucoup, moi, je trouve. Et tu dors un peu incliné. Donc, il paraît qu'au début, bon, faut pas avoir un lit, faut pas que tu tombes. Faut pas dormir sur le toboggan. C'est ça. Et petit à petit, tu t'y habitues et il paraît que c'est hyper intéressant pour les flux, justement, qui ne stagnent pas, mais qui peuvent circuler comme ça et qui ne restent pas coincé en haut et puis plein d'autres choses. Effectivement, je suis beaucoup intéressée à ça. Je connaissais pas. Et je l'ai pas encore fait. Ouais, je connaissais pas. Moi, je connaissais le truc inverse, effectivement, de surélever les pieds par rapport à la circulation, qui était un truc qu'on disait autrefois. Ça, tout le monde l'a entendu. Mais là, c'est l'opposé. Ah, c'est marrant. Je me demande s'il n'y a pas des effets de mode avec ces choses où pendant un temps, totalement horizontal. Ça, un temps, il faut faire ça, un temps, il faut faire ci. Et puis, pendant un moment, il fallait manger des œufs. Après, il ne faut plus manger des œufs. Il y a beaucoup de modes et c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout et son contraire, c'est surtout ça. Moi, c'est comme ça que je suis devenue nature. Qu'on nous perd. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai étudié la nature. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je veux savoir par moi-même, en fait. Parce que là, je suis perdue tellement il y a d'informations, quoi. Et c'est de pouvoir trier les informations. Mais ça, c'est bien aussi parce que la force, la première force de la nature, c'est la diversité. Donc, c'est bien que les gens font différemment. Ah ben complètement. Après, effectivement, il ne faut pas être noyé par trop d'informations parce que là, tu te perds toi-même. Ouais. C'est pas bon. Par des effets de mode avec des, ben, le régime cétogène, le régime. Le paléo. Il faut être plutôt conséquent pour que les corps, justement, ne soient pas. Qu'ils savent quoi faire. Qu'ils savent. Parce que si on change tous les temps, ils ne savent pas à quoi s'adapter. Ils deviennent chaotiques aussi. Ouais. Moi, maintenant, souvent, je conseille quand les gens me demandent est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois manger ça, c'est là. J'ai dit, vous essayez, et vous voyez ce qui se passe. Vous observez, en fait, il faut s'observer. Ce qui va fonctionner pour vous va peut-être pas fonctionner, comme tu disais très justement. Pour une autre personne, on ne peut pas généraliser. Non. Donc, le mieux, c'est d'essayer, on fait l'expérience. Par exemple, si on dit maintenant, bah oui, il faut dormir avec la tête surélevée 10 cm, bah, essaye. Et tu vois si ça fonctionne pour toi ou pas. Peut-être qu'effectivement, tu vas revenir au bout d'une semaine, 15 jours, tu vas dire, oh, c'est génial, c'est super, maintenant je dors bien, je me sens mieux. Et puis quelqu'un d'autre qui va faire la même expérience va dire, ah non, moi, c'est horrible, j'ai mal partout, je ne supporte pas, je ne dors plus la nuit. Enfin, mais parce qu'on est tous différents. Ou même, et si on a envie aussi. Si on n'a pas envie, on teste pas. C'est ça. Et c'est vrai que ça dure. Ça doit durer au moins 21 jours, c'est ça, les changements pour voir vraiment si ça. Alors, c'est vrai que dans tout ce qui est. Alors, c'est un grand principe, les 3 semaines pour. Mais pour tout ce qui est cure de compléments alimentaires, de plantes, c'est vrai qu'on va être sur 3 semaines de cure, 1 semaine de pause. Pour les neurosciences, pour initier le changement au niveau du cerveau, on dit qu'il faut. C'est ça, c'est ça. 21 jours. Mais donc du coup le sommeil c'est super important, mais avec tout ce qui est lumière bleue etc, déjà c'est vrai que il y a un côté choquant aujourd'hui où finalement le sommeil on a l'impression que c'est moins important qu'avant, où on peut le grappiller un petit peu, il y a des émissions de télé de plus en plus tard. Bon, maintenant les gens sont plus forcément sur la télé parce qu'il y a plein d'autres offres à côté, et puis on fait son programme comme on veut, mais on voit bien que les gens dorment quand même beaucoup moins qu'avant. Et moi, je reste quand même bloquée sur le fait que, comme disaient les grand-mères, nos grand-mères d'antan, les heures avant minuit, les heures de sommeil avant minuit comptent double. Je pense qu'il y a quand même un rythme par rapport à la nuit, au soleil, etc., à respecter. Enfin, moi, je le vois sur moi. Si je dors la même durée de sommeil, mais que je me couche plus tard, je vais être moins en forme que si je me couche plus tôt. Bah après, c'est peut-être moi aussi. C'est très beau. Quand on est fatigué. Et le sommeil, Alain Rousseau disait aussi, s'il est 4h30 de l'après-midi, mais qu'on sent qu'on a besoin de dormir, l'idéal, ce serait de pouvoir s'aller se coucher, en fait. c'est bête, enfin, c'est évident, c'est tout simple. C'est vraiment s'adapter à son métabolisme. Le corps, en fait. C'est fou. Voilà. Manger quand on a envie et pas se foutre dans des règles, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Et après, tout l'art, c'est de le faire en accord avec les gens autour de nous et les contraintes qu'on a pour que pas. Et voilà. Pour que ça reste gérable, en fait. Voilà. Et, voilà. Et après, pousser un peu plus loin et se dire, ok, s'il y a des grosses contraintes comme ça qui sont pas saines pour moi, qu'est-ce que je fais sauter, quoi. Enfin, non, mais c'est comme ça qu'on fait des reconversions, c'est comme ça que c'est important aussi, parce que quand on tourne et retourne le système n'importe quoi, dans tous les sens, et qu'on voit que finalement, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, Alors là, après, on est sur autre chose, mais... Comme tu disais que deux fois une petite chose, un petit changement peut avoir des grandes est fait, est-ce que ça, c'est le conseil général? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de grands changements, il faut plutôt passer par des petits changements, ou des fois, alors, il faut faire quelque chose. Moi, je trouve que c'est brutal. Intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant de faire des petits changements, et surtout dans des domaines différents, parce qu'en fait, cumuler les uns aux autres, ça va être exponentiel par rapport aux résultats qu'on va avoir. Après, pour que ça reste confortable et qu'on ait envie de continuer. Parce que ça peut être intéressant. D'ailleurs, moi, j'ai fait plutôt le côté... Enfin, les gens d'ailleurs qui font des études nature en général disent « Ouais, génial, bah, tiens, je vais essayer. » Et puis, on fait les trucs, mais trop vite, etc. C'est important de tester aussi, surtout pour pouvoir accompagner les gens derrière. Mais ça peut être intéressant, surtout quand il y a urgence aussi. Par exemple, on sait que la personne, il peut y avoir un problème de santé assez rapidement. De prendre des méthodes un peu drastiques, c'est important. Donc, je pense par exemple à des intolérances alimentaires, etc. Ça va être important de faire le gros changement. Le problème, si on fait que des gros changements, c'est que ça peut retomber très vite, en fait. Et où on peut avoir des mauvaises expériences qui vont dire « Ah là, non, c'est bon, j'arrête, je refais plus. » Et là, c'est dommage. Parce que pour moi, c'est vraiment un fil qu'on tire. On va doucement... À la limite, il vaut mieux aller doucement au début et aller un peu plus fort après. Parce que c'est par rapport au corps, par rapport au fait de ne pas trop stresser le corps aussi, quoi. Après, sur les intolérances alimentaires, justement, il y a un truc qui est intéressant et qui n'est pas très connu, c'est que il y a beaucoup de maladies auto-immunes, et finalement il y a un lien entre les intolérances alimentaires et les maladies auto-immunes. Et ça, c'est super important, parce que les maladies auto-immunes, c'est finalement des maladies où le corps s'attaque lui-même, en fait. La plupart du temps, quand il y a des maladies auto-immunes, ça veut dire qu'il y a des intolérances alimentaires. Et le fait de traiter ces intolérances alimentaires, alors après, c'est important que la personne soit prise en charge au niveau médical et tout, s'il y a besoin. Hein, mais à côté de vérifier ces intolérances alimentaires, que la personne, elle enlève de son alimentation les aliments auxquels elle est intolérante. Et le fait de restaurer l'intestin, parce que du coup, quand on est intolérant, ça veut dire qu'il y a des molécules qui ne devraient pas passer à l'intérieur du corps dans l'intestin, qui passent, parce que les jonctions serrées sont plus serrées, c'est pour eux. Et le fait d'arrêter pendant un certain temps les aliments auxquels on est intolérant, ça veut dire que la barrière intestinale va se resserrer, et du coup ça va redevenir imperméable, et du coup il n'y a plus ces molécules qui ne devaient pas passer qui passent, et qui du coup... mettre un peu le bazar dans le corps, en fait, et qui crée des maladies. Et donc, du coup, on peut aussi agir là-dessus en prévention ou aussi en rémission grâce à ça. Donc, ça demande pour le coup des efforts, parce qu'en général, les aliments auxquels on va être intolérant, c'est le gluten, c'est le lait de vache, c'est les œufs, enfin, les choses où il y en a partout. Donc, des gens qui mangent de manière très très classique, ils vont se dire non, mais c'est pas possible. Donc c'est un gros effort, mais en même temps ça vaut vraiment le coup. Et après, quand tout se restaure, on peut revenir en perdre cette sensibilité? Moi j'ai fait le test, en fait. J'ai fait un test d'intolérance alimentaire. J'étais intolérante au gluten, lait de vache et les œufs beaucoup. Donc j'ai tout enlevé d'un seul coup, et pendant un an. Et au bout d'un an, j'ai refait un test. Et j'étais plus intolérante au lait, j'étais plus intolérante au gluten, il n'y avait que les œufs, ça, parce qu'il y avait une grosse intolérance aux œufs, donc l'intolérance aux œufs a diminué, mais c'est toujours là. Donc moi je sais que j'ai quand même pas mal de vitalité, moi c'était un an, ça peut être 2 ans ou 3 ans chez une personne, ça peut être 6 mois chez une autre, mais clairement, il y a vraiment une rémission, quoi. Enfin, après, ce qui est intéressant, c'est que sans exagérer, on peut remanger un peu de ces aliments-là pour se faire plaisir, etc. Et c'est le but, d'ailleurs. Parce que moi, je vois les corps, parce que très souvent, on parle des organes, des systèmes, etc. On voit ça de manière statique. Et finalement, là, maintenant, quand je vois le naturopathe, il est devant un mécanisme qui est en mouvement et il modifie certaines, bon, avec certaines manivelles ou d'autres leviers ou ajout de l'huile par ici ou des choses comme ça, qu'il arrive à faire fonctionner la totalité de manière plus harmonieuse. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire on agit sur quelque chose qui est en mouvement. Qui est vivant. C'est-à-dire et on ne peut pas prendre un cliché et agir là-dessus. Non, non. Et c'est super important de voir ça. Ouais. Surtout que ce truc en mouvement, selon ce que la personne vit, du stress, etc., ça peut basculer et changer d'un moment à l'autre, en fait. Parce qu'on est effectivement influencé, impacté par tout ce qui se passe au moment présent, qui s'est passé dans le passé, qui peut-être va se passer dans l'avenir. Ouais. Et des fois, on a le peur de l'avenir qui nous casse tout. Ouais. Moi, c'était aussi là-dessus où je voulais... Je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire, mais c'est un peu ma conclusion. C'est aussi l'importance du mental et de là après on est plus dans du développement personnel ou dans voilà, mais c'est important de voir qu'est-ce qu'on se raconte à notre cerveau en fait. Et parce que évidemment le corps physique c'est effectivement très matériel, mais au-delà de ça il y a qu'est-ce que on raconte à notre cerveau sur notre corps physique aussi qui est important et des croyances qu'on a. C'est pour ça que cette idée que le corps il peut se régénérer, s'il est dans un état trop faible, mais je trouve que c'est super important de le savoir, parce qu'aujourd'hui on est trop on a trop cette idée que forcément ça s'amenuise de jour en jour, et puis à tel âge il y a ceci, il y a cela, enfin il y a des gens qui fonctionnent comme ça, je trouve ça assez terrible en fait, parce qu'on voit bien autour de nous que c'est pas vrai, que il y a des gens à 60 ans, ils y voient très bien, les cheveux blancs, plein de choses. Et donc ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Mm-hmm. Voilà. Et autant plus que moi, c'est pour ça que je parlais des bonnes ententes avec notre corps et sa nature, parce que quelque part, je vois qu'il y a, on parle écoute de corps, mais il y a dans deux sens, ça va dans deux sens. Qu'on peut dialoguer avec notre corps qui a sa propre intelligence et qui quelque part est là pour exaucer nos voeux. Mais il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il est bien ou qu'est-ce qu'il est mal. Et nous fait confiance et c'est par les images qu'on obtient par les petits rituels. Et pour moi, par exemple, tous les remèdes, ça peut être seulement l'effet placebo, parce que on donne le message au corps que je veux obtenir tel ou tel résultat. Et à ce niveau-là, il faut éviter effectivement la négation. On parle souvent de ne pas utiliser, parce que l'univers ne comprend pas la négation. Ouais. Et je pense que c'est parce qu'on parle par les images. Si par exemple, on s'est dit, je ne veux pas avoir les cheveux blancs, c'est les cheveux blancs qui parlent. Les corps pensent, on veut avoir les cheveux blancs. Et on constate dans le miroir qu'effectivement, il y en a de plus en plus de cheveux blancs. Donc dans cette situation, il faut plutôt penser « je vais avoir des cheveux noirs » ou quelque chose de positif, et faire d'une sorte n'importe quel rituel instauré avec cette intention pour que ça marche. Mmh. Ouais, c'est l'une âme aussi notre subconscient qui n'écoute pas les négations, et surtout quand on... ne pense pas à un éléphant rose, on voit tout ça un éléphant rose en fait. C'est comme ça qu'il fonctionne au niveau marketing, il y a plein de choses aussi, et de l'utiliser à bon escient, c'est super important. Et puis le côté vibration dans lequel on est aussi, parce que finalement la maladie, enfin quand on est dans des vibrations de peur, de culpabilité, d'ailleurs le système immunitaire il est plus affaibli et on va plus facilement tomber malade. Que quand on est dans des vibrations de gratitude, d'amour, de joie, et c'est ça aussi qui est à cultiver. Alors c'est vrai que ça paraît plus compliqué dans ce monde qui paraît un peu challengeant, moi c'est vraiment, moi je pense que, j'allais dire je suis là pour ça, c'est vraiment ce côté joie que je veux transmettre aussi, la vie elle est belle, oui, il y a des choses qui sont difficiles, mais la vie, elle est magnifique. Enfin, c'est... Tu vas nous dire quelque chose à propos de le coaching, c'est ça? Ah, j'avais pas prévu, mais... Parce que c'est ça, finalement. C'est vrai que moi, à côté de la naturopathie, je me suis spécialisée avec les élixirs floraux. Les élixirs floraux qui agissent d'une manière vibratoire sur les émotions, et le ludo coaching qui est un accompagnement par le jeu qui permet de retrouver son cœur d'enfant, qui permet de reprogrammer son cerveau quelque part en se disant les bonnes choses, comme tu disais, quelque part pour réaliser ce qu'on veut dans sa vie. Et prendre sa vie, redevenir l'auteur de sa vie et plus être en mode automatique. Ça y est, retrouver cette innocence qui faisait notre bonheur quelque part. Ouais, on était à la fois l'innocence, mais aussi ce côté spontané, cette espèce d'énergie spontanée, etc. Parce que les gens rigolent moins, jouent moins, et c'est vrai que quand je parle de ludo coaching, les gens aiment beaucoup parce que ça apporte de la légèreté, quoi. Ça fait du bien, enfin, à commencer par moi. Et c'est par rapport par exemple au yoga des rires, il y a des liens, ou c'est ludo coaching, c'est encore différent? Non, c'est encore différent. Le ludo coaching, on va jouer avec des cartes, mais c'est des jeux qui ont été faits pour acquérir et s'imprégner de concepts et de choses qui vont nous transformer, en fait. Par exemple, avec le jeu de l'alchimie, je pense que ça va te plaire, parce que l'alchimie, on sait que pour faire de l'or, il faut du plomb. Ça tombe bien, parce que comme dit le créateur de ces jeux de coaching, aujourd'hui on a plein de plomb, donc on peut faire plein d'or. Tu vois, donc, et les notions dans ce jeu de l'alchimie, c'est aussi une certaine notion de comprendre que y a un stade à dépasser pour vraiment se réaliser pleinement et arriver à ce niveau or, en fait. C'est de sortir de sa prison. Et des fois, on n'a pas conscience qu'on est dans une prison. On la construit nous-mêmes. On se la construit nous-mêmes. Des fois, la prison, c'est de faire plein de vélos et on a l'impression qu'on est libre parce que on est en bonne santé et puis on fait de l'exercice physique. C'est bien, on vient d'en parler. Mais ça peut être une prison, en fait, et ça peut être très enfermant. Donc, des gens alors, c'est toujours l'exemple que donne Marc Huchard, mais de repeindre leur pavillon tous les 6 mois, tous les ans, ils ont l'impression que, voilà, mais sauf qu'ils peignent juste les murs de leur prison, en fait. Donc il y a tout un processus de libération, en fait, de schéma qu'on a pour se réaliser pleinement. Ça, c'est par la conscientisation C'est d'aller puiser en nous des ressources qu'on ne connaissait pas et de changer de mode de fonctionnement, en fait, d'avoir des prises de conscience et un regard aussi différent sur sa vie. Souvent on est en lutte et de dire je vais lâcher ça, en fait, parce que ça sert à rien que je sois en lutte et je vais faire autre chose, ou voilà, et d'ailleurs, je fais le lien entre le coaching et naturopathie, c'est que pour moi, l'intérêt d'être en bonne santé, c'est de pouvoir se réaliser, et avec le coaching aussi, de reprendre les commandes de sa vie et de ne pas être en mode automatique avec tous les formatages qu'on a pu avoir, familiaux, à l'école, la société, etc. Et bien mourir aussi, naturopathie, pour... ce qu'on disait au tout début, avant le début de la conférence, je pense de donner cette capacité à notre âme de pouvoir se libérer et d'avoir un bon passage, parce que c'est un passage, donc que le passage se passe le mieux possible. Mais par contre, je crois qu'il faut avoir cette conscience que la liberté, oui, mais l'excès des libertés, c'est dangereux, parce que finalement, tous nos problèmes, ça vient du fait qu'on s'est extirpé de la nature, on s'est dit on peut... et de ne plus se soumettre à ces conditionnements. C'est-à-dire, on était peut-être, on s'est dit, la nature nous emprisonne parce qu'on doit faire toujours la même chose, on est sujetti au changement de temps, de saison, quelque part, on n'a pas beaucoup de libre choix, mais finalement, si on s'est, on a gagné notre liberté par rapport à ça, on a perdu notre santé. Enfin, les habits, le chauffage, la nourriture cuite, il y a un prix à payer énorme. Hein. Ben, c'est vrai quoi, il y a ce... ça peut être une bonne conclusion, c'est que finalement, l'homme a voulu s'extirper de la nature en créant plein de choses et croit pouvoir maîtriser la nature, comme on croit pouvoir maîtriser notre corps, sauf qu'il faut d'abord être à l'écoute de la nature et de notre corps pour être en bonne santé et être dans un... La vraie liberté, c'est aussi faire en fonction de ce qu'on est, et pas de ce qu'on n'est pas. Sinon, on n'y arrivera jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui peut nous dire, allez, pour être libre, il faut que tu fasses ça. C'est ça, ça doit venir de nous. Bah, après, moi, la notion de liberté, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais dans le sens d'avoir la liberté de se réaliser par rapport à ce qui nous tient à cœur et de ce qui paraît être quelque chose de enfin, le vrai soi finalement. Donc il y a tout un chemin de connaissance de soi et de et qui peut se faire d'une manière à mon avis la plus équilibré possible si on est en bonne santé, enfin dans un corps qui est en bonne santé en tout cas. Et parmi le Marchessault, il disait la Bible, ses citations étaient bon, depuis les péchés originels, et l'homme est condamné à gagner son pain au sueur du front. Et pour lui, il dit que toute la naturopathie, c'est dans cette phrase-là. Et quelque part, pour être en bonne santé, il faut l'effort, il faut travailler, il faut que le corps soit, se sente utile et qu'il On n'est pas passif, effectivement. Enfin, il faut être actif de sa santé. Donc, Et il ne faut pas oublier qu'on fait partie de la nature, si on le veut ou pas. Bah, complètement. D'ailleurs, le contact avec la nature est essentiel. Tu parlais tout à l'heure, Emmanuel, de marcher pieds nus. Un truc que j'adore, c'est de marcher pieds nus dans l'herbe avec de la rosée le matin. Ouais, enfin, moi, j'ai même fait l'expérience dans le jardin de mes parents, il y avait du givre. Je suis sortie du givre, enfin de un peu de glace. Ah oui, givre, oui. Et je suis sortie, j'étais en chemise de nuit avec un petit peignoir, c'était l'hiver. Et j'ai mis les pieds dans l'herbe. Alors, au départ, j'ai eu froid. Mais c'était incroyable de ressentir la chaleur au bout de quelques ans, quoi. C'est génial. C'est surtout l'effet que ça fait après. Mais ouais. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure après. Excellent. À la montagne, je me levais, je mettais un gros pull, et j'allais marcher dans la neige. Hein, et je rentrais. Pieds nus aussi. Pieds nus. Et je peux dire que ça fait très froid, très vite. Hein. Ça fait très froid, mais ça fait chaud après. 10 minutes, hein. Juste faire quelques pas, et tu rentres. Tu t'essuies bien les pieds, tu mets bien au chaud ensuite. Pour ne pas dégeler. Mais ça, c'est la santé, la force, la vitalité que tu peux avoir, le souffle, tout se rééquilibre. Et encore mieux, c'est pas avec les pieds, ça vient avec les pieds, mais aussi avec les derrière. Les bains de siège, oui, j'en ai pas parlé, mais ça. Ouais, il y a ça, ou il y a les petites. Ce que tu peux te mettre aussi entre les jambes, là. Oui, les bains de glace. Ouais. On peut faire ça avec une bouteille. Comme ça. Et notamment quand il fait très chaud comme cet été, c'est super intéressant. Ça refroidit les jambes, en fait, c'est au niveau de la circulation. Ça fait un bien fou. L'hiver, c'est désagréable parce que tu as froid très vite, je trouve. Ben, c'est important quand on fait d'être bien, de ne pas avoir froid, justement, et d'être très bien couvert. Il ne faut pas faire très longtemps l'hiver, de mon point de vue. Tu peux le faire régulièrement. Mais l'été, c'est fou ce que ça rééquilibre ton corps, parce que tu es en surchauffe tout le temps, H24. Et Zoé, par exemple, elle dit pour quand il a froid, elle fait justement ça, pour avoir chaud. Les corps commencent à se mettre en à chauffage. Ouais, en naturo, c'est vrai qu'on conseille les bains froids, etc. Et on dit la limite, c'est-à-dire qu'il faut ressentir le chaud juste après. Si on ressent pas le chaud juste après, ça veut dire que c'est trop, qu'on n'a pas suffisamment d'énergie et que du coup, il faut surtout pas le faire. Effectivement, et ça fatigue, etc. Alors qu'au contraire, sinon ça va donner de l'énergie. Ouais. Et ça peut varier selon les individus, mais aussi selon les moments, en fait, pour une même personne. Et c'est ça qui est important. C'est de... que ça, en fait. C'est pour moment. Ça qu'il faut être à l'écoute. C'est le moment, c'est saisir le moment ou créer le moment en fonction de ton environnement. Et le saisir ou le créer. C'est ça. Et la sagesse ancienne, les traditionnelles, eh bien, moi, ce que vous parlez là, ça me rappelle une conte russe où il y avait un riche qui était en voyage en hiver avec son cocher. Et ils se sont fait attraper par une tempête de neige, donc ils étaient bloqués. Et le riche, il a dit à son servant, « Allez, tu cherches du bois et tu vas faire le feu. » Donc il a cherché le bois, il a fait le feu, mais les chefs, il était déjà mort. Ben là, oui. Parce que... Ben oui, il est resté assis, il n'a rien fait. Voilà. Et même s'il était bien habillé, parce que là-bas c'est moins 30 ou je ne sais pas. Donc c'est vrai que les mouvements, ça... C'est super important. Ouais. C'est super important. Je remercie notre...